Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Cette semaine. C'est les musiques. Parce que la musique qui joue en plus. Non, moi, je m'entends quand je parle. Pas moi. Bonjour, bienvenue au podcast Mac Québec, épisode du 4 février 2014. Je suis arrivé, je suis là. Ouais. Je saigne des oreilles. Je sais pas. Baisse ton son parce qu'on va entendre le son que va sortir de tes écouteurs dans ton micro. On va t'entendre en double, mais que, ça, mais que je fasse la production. Fait que... J'ai descendu un peu ici. Okay. Ça devrait aider. Je sais pas si on m'entend bien. Pour les gens qui sont sur les internets, au www.macquebec.com/en-direct. J'ai même pas fait mon introduction pendant le jingle du début. Cette semaine. Est-ce qu'on recommence ça ou bien. Non. C'est un podcast. OK. Non, ouais, ouais. Pas à 24/60, là. Ouais, c'est ça. Donc, bienvenue au podcast Mac Québec, qui est une émission bimensuelle produite par l'équipe du site web macquebec.com sur l'univers Apple. Au cours des deux prochaines heures, nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines, répondrons à des questions posées par des membres de la communauté Mac Québec, présenterons nos trouvailles de la semaine et mettrons du WD-40 sur ma chaise, messieurs, parce que... Puis tout ce que tu as dit, tout ce que tu viens de dire, on l'entendait dans mon micro, on l'entendait pas dans le sien, parce que... Ouais, mais je parle assez fort. Comme, parce que quoi, vas-y. Non, mais on entend tout en écho, là, c'est ça qu'il y a. Là. Comment ça? Parce que ton micro n'était pas assez fort. Ah, ben c'est ça. Mais c'est pas grave, les gens sont habitués. Tu veux pas commencer? Non. Mais pour l'enregistrement, plus? Non. Ouais, non? Non. Ouais, ouais. OK, parfait. Je crois que ça, je donne ça le même ça. Bonne journée. Sans plus tarder, je vous présente mes deux co-animateurs pour aujourd'hui. Depuis qu'il a une télé de 58 pouces, il sait que la grosseur, ça compte. Jean-François Roy est avec nous. Et oui, ça va bien, toi? Oui. Passez une bonne semaine? Oui. Relax quand même. Hein? On travaille, il n'y a pas de nouvelles malades. Fête, là, non, c'est ça. Mais on s'en va, c'est le Galaxy S5 bientôt. Oui, quelque chose comme ça, Galaxy S5, dont on va se crisser éperdument dans une couple de semaines. J'espère que ça va être meilleur que l'année passée avec le S4, parce que l'intro du S4, avec la petite famille parfaite, que le petit papa jette le S4 à sa petite pépille, là, c'était... C'était des acteurs de Ah, c'était vraiment pas bon, là. Pas d'allure. Non. De retour des États-Unis, où il est allé faire un camp de ressourcement de bons services à la clientèle, Jean-Michel Boily est avec nous. Salut, Alexis. Tu es de retour? Tu as perdu ton boulot? Non, j'ai pas perdu mon boulot. Je suis en congé. Disons que je travaille dans un domaine où le mardi, c'est une soirée occupée. C'est la folie. Oui. La soirée, 5 $. Oh, tu travailles chez Savoy. Devinez où je travaille. C'est la question de cette semaine au sondage Mac Québec. Les auditeurs peuvent nous soumettre leurs questions et problèmes sur leurs différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter, en utilisant le hashtag PodMQ, sur la plateforme Mac Québec Entraide au www.macquebec-entraide.com ou en nous écrivant au podcast@macquebec.com ou encore, oui, parce que Jean-Michel est revenu, ben oui. Vous pouvez nous appeler directement en studio au numéro de téléphone que je vais donner. C'est le 1-877-561-2357. Et cette semaine en studio, en fait, on reçoit quelqu'un d'un petit peu particulier. Je vais présenter les commanditaires et on va le recevoir tout de suite après. Mais c'est Francis Brisebois de chez iRepair Montréal qui est avec nous. Et il passe ses grandes journées jusqu'à de 6 h du matin à minuit le soir à réparer des iPhones, des motherboards, des pitons collés de iPhone, de iPad, tout le kit. Fait que si vous avez des questions, peut-être au niveau niveau des prix, combien ça coûte faire réparer tel truc, est-ce qu'il y a une idée, c'est quoi le problème particulier que vous avez avec votre appareil, votre iPhone, on vous invite à nous téléphoner en studio, et puis Francis va se faire un plaisir de répondre avec nous à ces questions-là. On aimerait remercier en fait les commanditaires du podcast Mac Québec. Grâce à leur généreuse collaboration, ben, le podcast est possible. En fait, il serait possible s'ils n'étaient pas là, mais c'est bien plus le fun. Enlève ta main de là, c'est ouais, comme l'objectif de la caméra. Oui, je sais. Ça essaie de réparer le flou, le flou artistique. Ouais. L'autofocus n'est pas très bon sur celle-là. On va acheter la C930. L'autofocus va être autant de la merde. Je sais bien. Si vous avez une vieille C910 qui traîne dans votre tiroir, par exemple, on est preneur. Donc, d'abord, ClickPom, qu'on remercie pour les locaux et qui nous donne un bon coup de main. On est très bien ici. On se sent comme chez nous. Coopucam, qui ont reçu les iPad mini Retina, on vous le rappelle. Donc, vous pouvez aller en chercher là s'il n'y en a plus au Apple Store. En fait, faites comme s'il n'y en avait plus au Apple Store et allez directement chez Coopucam. On remercie aussi ReptileTech, spécialiste en solutions web multiplateformes, qui nous donne un bon coup de main lorsqu'on fait la diffusion de nos émissions spéciales. iRepair Montréal, sauveur de vie professionnelle, j'aime le tagline. Et bien sûr, l'INIS, Institut national de l'image et du son, qui est un centre de formation où les gens du milieu du cinéma, de la télévision et des communications, ou même Jean-François, dans quelques semaines, peuvent recevoir des formations de perfectionnement données par des professionnels du milieu. Ouais, entre autres, c'est au mois de mai. Ah oui, c'est au mois de mai, c'est vrai. C'est ça. Je rentre dans mon agenda, là. Entre autres, notre ami Mathieu Marano donne un cours de Da Vinci, pas Code, là, mais l'autre. Resolve. Oui, c'est Resolve. Ça. Da Vinci Code. À l'INIS, donc voilà. Voilà. Oh mon Dieu. On va, comme j'ai dit, en fait, on reçoit avec nous Francis Brisebois de iRepair Montréal. Donc, tu es un de ces héros, unsung heroes, donc héros dont les contes ne sont pas encore chantés par des bardes, sauveur de vie professionnelle, parce qu'on le sait, en fait, quand on échappe un iPhone au-dessus d'un étendu d'eau ou d'un body of water, ben le temps s'arrête. On le voit tomber au ralenti, plonger dans l'eau en haute définition. On entend dans notre tête le Willem Scream. Puis là, on essaie de le ramasser le plus vite possible avant que l'eau rentre à l'intérieur. Mais vous, vous êtes en mesure de réparer ces gaffes-là. Donc, iRepair, ça existe depuis combien de temps d'abord? iRepair, c'est un projet qui, quand même, 2 ans et demi, 3 ans. OK. Ça a vraiment parti, on va être honnête. Pas grand-chose. On faisait des réparations un petit peu où qu'on pouvait. Puis ça grossit. Comme tu dis, les gens, quand ils échappent leur appareil, ils se demandent un peu quoi faire. Ils paniquent. C'est la fin du monde. C'est leur vie au complet qui est endommagée. Fait qu'ils cherchent une ressource fiable et compétente. Donc, avec les 3 dernières années, on a fait plus de 10 000 appareils. On a vu de toutes les couleurs des dommages d'eau, des soudures, des réparations. Par exemple, il n'en manque pas. Là. J'en vois tous les jours, j'en rêve la nuit, c'est super. On t'a invité parce que cette semaine, il y a eu un reportage à Radio-Canada à la facture. Donc, ce sont des reportages. Moi-même, j'ai été invité à un moment donné à la facture. On s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Et ce qu'on expliquait, en fait, on commençait le reportage en disant que c'est cher faire réparer un smartphone, mais quand le reportage a commencé, c'était directement pointé vers les produits Apple. Donc, on nous disait qu'une réparation d'un produit Apple au Apple Store directement pouvait coûter aux alentours de... Ça varie, ça part à 169,99, ça peut aller jusqu'à 269,99 et même plus pour un 5S. iPad, ben là, ça varie avec le stockage. Puis les MacBooks, ben, t'espères qu'ils sont garantis parce que sinon, tu trouves la vie difficile. Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, le reportage expliquait un certain nombre de choses, la plupart avec lesquelles on était relativement d'accord, puis certains autres qui méritent peut-être de relativiser, là, sans être très énervé. Là, bon, c'est sûr que ça expliquait à monsieur et madame tout le monde, mais il y avait des petits trucs à ajuster. Donc, d'abord, en fait, dans le reportage, vous en faites des réparations, que ce soit des boutons power, que ce soit des ports d'écouteurs. Tout, c'est aussi simple que ça. Ton iPhone, ton iPod, ton iPad, ton MacBook, ils brisent. On peut tout réparer. OK. que ça soit une pièce à remplacer, une vitre à remplacer. S'il faut qu'on change la batterie, puisque tu trouves que l'autonomie à cause de iOS 7 n'est pas super longue, ça va nous faire plaisir de la remplacer pour une neuve. Oh, bah allez, je vais aller te voir demain. Viens asseoir une fois. On est là jusqu'à minuit. As-tu, y a-tu, par exemple, dans les pièces que vous utilisez, il ouais. y a des qualités là-dedans. Et ça, on ne l'a pas mentionné dans le reportage. Donc, il y a différentes qualités. Tu peux avoir des pièces... Tu peux avoir des pièces originales. Okay. Tu peux avoir des OEM, qu'on appelle, qui sont techniquement sur des originales, mais pas en toutes. Sinon, après ça, tu as les copies. Là, tu rentres tes grades, grade A, grade B, grade C. Si tu es chanceux, puis tu achètes quelque chose sur eBay, puis ça te coûte 5$, tu as probablement du grade C. Okay. Peu importe ce que tu achètes. Puis, donc, c'est ça qu'il disait, grosso modo, que tu pouvais t'acheter un écran à 20$. Donc, ça doit être un prix de grade A, c'est une copie. C'est une copie à 20$, pas mal une copie. Même là, ça se peut que tu aies du grade B. Parce que si tu en achètes juste une, tu n'as pas de pouvoir d'achat. Non. Puis souvent, si tu es mal informé, ben, tu peux te faire avoir aussi sur ce que tu achètes. Parce que tu as cassé ta vitre, tu veux remplacer ta vitre, et pourtant, sur l'iPhone 4, 4S, 5, 5S, les vitres, le LCD, le digitizer, qui est l'écran tactile, sont fusionnés ensemble. OK. Donc souvent, tu vas aller sur un site Internet, tu vas acheter juste une vitre ou dans un magasin n'importe où. On te vend une vitre, mais il faut que tu te décolles de ton iPhone avant, là, sans briser ton LCD, sans briser ton écran tactile. Ça, c'est vraiment pas évident. Là. Il faut le faire chaud, puis... Nous, on préfère remplacer. C'est plus simple, ça cause moins de problèmes, puis on achète des pièces originales. Donc, il n'y a pas de trouble, tu sais. Excellent. Le bris le plus inusité qu'on t'a rapporté, tu dois avoir quand même des histoires de monde qui sont arrivés avec... On veut les savoir. On en a vu pas mal, on va être honnête. Les cadrages de portes, les chars qui roulent par-dessus des iPads. Le plus spécial, je pense, a quand même été le iPod. C'est un bagagiste à l'aéroport. Il utilisait son iPod, il l'a échappé à terre. Il y a un avion qui a roulé dessus. OK. Un avion. OK. Un iPod, c'est pas supposé de plier. Mais pas là. Mais un avion, c'est lourd. Hein? Oh, ça surprend. Honnêtement, on en voit tous les couleurs. Des iPads pliés à grandeur. Ah oui? C'est des U, là. On les ramène droit, on remplace la vitre, on remplace le CD, on remplace tout ce qu'il faut. La chose la plus difficile à réparer, ben, c'est la carte mère, puisque techniquement, c'est principalement l'appareil, c'est ouais. ça. Ça, on peut aussi les régler avec des micro-soudures ou si c'est endommagé par l'eau, les services de nettoyage d'eau dans les bains ultrasoniques. Des choses spéciales. Ben, c'est juste aujourd'hui, comme je te parlais tantôt, il y a la madame qui a son MacBook qui était dans un feu. Okay. Pas dans un foyer, mais son appartement, malheureusement, a pris en feu. Le MacBook n'a pas brûlé, mais c'est pas super propre dans cette histoire-là. Poussière, suée, un petit peu de tout. Les plus spéciales, c'est quand même les gens qui amènent leur MacBook ou leur MacBook Air en voyage, sur le bord de la plage, et qui vont faire de la plongée avec leur laptop. J'ai déjà eu un MacBook Air salé à grandeur, corrodé. C'était super. Ça n'a jamais fonctionné, par exemple. Mais... Non, c'est clair que l'eau salée, c'est pas idéal. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Tu proposes... qu'il avait oublié. OK. Hein? Tu lui proposes un toaster puis un bain. On y a pensé. Oui, c'est sûr. Donc, dans le reportage que tu as regardé, qu'on a tous regardé, Jean-Michel, en fait, tu trouvais que c'était un grand tissu de mensonges. Mais, ce qui expliquait, en fait, grosso modo, dans le reportage, c'est que chez Apple, ils t'emballent. C'est un peu la même chose que si tu vas chez le concessionnaire pour une voiture. Le point que le reportage tenait, c'est vrai, là, dans un sens. Les fabricants veulent pas... C'est pas l'avantage des fabricants qu'on fasse réparer nos produits. Non. C'est notre avantage, par contre, puis les fabricants n'ont rien à perdre dans ce cas-là parce que ça fait augmenter comme leur... si deux fabricants, si tu compares deux fabricants, puis il y en a un que les produits sont réparables, puis l'autre ne sont pas réparables, le consommateur va être plus incité à aller acheter le produit réparable parce qu'il sait qu'il va l'avoir pour plus longtemps. Parce que quand on investit 700$ pour un téléphone, on ne veut pas s'en débarrasser là, l'année d'après. Mais le problème, c'est que c'est de la façon que c'était présenté dans le reportage que les consommateurs n'ont pas juste un choix pour faire réparer leur iPhone ou leur produit. Comme n'importe quel... Là, la facture a choisi de prendre un iPhone parce que c'est un produit que tout le monde a, puis c'est un produit qui se brise souvent, plus c'est, que d'autres. C'est de bonne aloi aussi de taper sur Apple ces temps-ci. Ils ont eu bonne presse dans les années 2000 jusqu'à 2010, et on dirait que depuis deux ans, je dirais, ben c'est fancy puis c'est cool de taper sur Apple. C'est ça, puis Apple a la réputation de vendre des produits chers qui... comparativement à leurs compétiteurs qui vendent des produits moins chers, qui n'ont pas nécessairement plus de fonctionnalités, mais c'est vraiment du premier niveau. Là. Mais comme tu disais, il aurait pu prendre l'exemple de quelqu'un qui va faire réparer sa vieille voiture chez le concessionnaire, que ça finit par coûter une affaire de 10 000 $ pour changer la pièce, tandis qu'il aurait pu aller dans un petit garage qui aurait patenté quelque chose pour 150 $. Exactement. C'est le même principe. Mais c'est juste qui aurait fonctionné. Là, c'est juste qu'un iPhone, ça se brise plus souvent, puis c'est plus facile de prendre cet exemple-là parce que c'est scandaleux. Puis... Ben, en fait, ça parle aussi de l'obsolescence programmée. Puis tout le monde dit qu'Apple sont les rois de l'obsolescence programmée parce que leurs produits sont fermés. On n'a qu'à penser au MacBook Pro Retina. Est-ce que vous avez commencé à faire des réparations de ça? Parce que ça a l'air que c'est plutôt complexe à les réparer. Retina, c'est unique. C'est un gros iPhone. Okay. Disons que c'est très optimisé. La batterie prend la plupart de la place. Tout est sa carte mère. Il y a plus de il y a encore des composantes, là, mais tout est miniaturisé. Il n'y a plus de gros disques durs, c'est du flash. C'est très... c'est différent. Okay. Ce n'est pas aussi le fun qu'un MacBook, disons, A12, 78, que non. Ça se répare à tous les jours, tu en vois tout le temps. Donc c'est ça, les ordinateurs se réparent, mais Apple est en train... sous prétexte qu'on veut diminuer en fait la grosseur de l'ordinateur, du iPhone, du iPad, ben à ce moment-là, comme tu l'as dit, tout est encapsulé c'est de moins en moins réparable. D'ailleurs, il y avait une conversation sur Google Plus dernièrement, puis dans un groupe de professionnels, puis les gars disaient ils se posaient la question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que tu peux plus faire de réparation à proprement parler? Ou de moins en moins, tu sais, arriver chez un client, remplacer un disque dur puis partir. C'est plus simple que ça. C'est ça, exactement. Mais avec du onboard flash par PCI Express, ça se remplace quand même bien. OK. C'est juste que la technologie est encore récente, fait que ça coûte quand même cher les pièces. Effectivement. Mais tantôt, tu parlais que Apple, c'est les plus gros puis c'est facile de bâcher sur eux. En effet, mais ils font quand même des produits de très haute qualité. Il ne faut pas l'oublier. Là. Ils coûtent cher les produits, mais ils sont là pour viser le marché de niche. Du professionnel qui en a besoin de faire du vidéo editing, de la photo, c'est pour ça qu'ils sont là. Oui, leurs produits sont un petit peu plus fragiles. On s'entend, quand tu fais quelque chose d'aussi beau que ça, qui est fait en vite, t'es pas supposé de l'échapper. Ils ne vendent pas avec le but que tu l'échappes. Non. Les gens les aiment, les produits, mais ils font pas tout le temps très attention. Puis à cause de ça, c'est pour ça que... C'est ça, tu le traites pas de la même manière que ton vieux flip Nokia. Non, flip, il a mangé le mur une couple de fois, puis il était bien correct. C'est ça. Au pire, le plastique cassait. Mais là, c'est plus du plastique, là. C'est de la vitre en avant, de la vitre en arrière. OK, les iPhone 5, 5S sont en aluminium. De l'aluminium qui plie, là. Faut faire des plis pour mettre une nouvelle vitre. Oui, ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est une belle histoire, là. Se réchauffer, hein? C'est pas ça, le déplier. Avec deux bonnes pinces. Dans le reportage, il expliquait que c'est 169 $. Il avait l'air de dire, en fait, que monsieur et madame tout le monde pouvaient pas mal faire le changement. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend. OK. Il y a des choses que beaucoup de gens sont capables de faire, moindrement que tu sais comment utiliser un tournevis. T'es minutieux, puis tu prends le temps d'enlever tes vis, déplacer aux bonnes places. Changer une batterie, changer un dos, c'est deux vis, trois vis, c'est pas super compliqué. Dans le reportage, il parle d'un port de chargement, c'est un autre quatre vis. Okay. Si tu sais un petit peu où tu t'en vas, ça se fait bien. Remplacer la vitre, c'est une autre histoire, parce que là, on parle d'enlever la carte mère. Okay. Carte mère est très fragile, il y a beaucoup de composantes d'exposées. Tu veux pas les endommager pendant que tu fais ta réparation. Puis monsieur, madame, tout le monde sait pas que le petit jumper par-ci par-là, il s'occupe du power button, que l'autre s'occupe de la caméra, que l'autre s'occupe de la réception cellulaire. Ils savent pas. Fait que, tu prends ton tournevis, tu donnes des coups par-ci par-là, tu veux pas, mais ça arrive. Puis tu finis que tu as remplacé ta vitre, mais ton téléphone n'allume plus. Ouais. C'est pas super. Moi, j'ai essayé d'en remplacer une sur un 3GS. Mm-hmm. Et j'avais le digitaliseur au complet, tout ça, je l'ai enlevé, c'était relativement simple. Quoique le connecteur, dans le fond, là, c'est pas trop évident d'aller le remettre. Et une fois que j'ai tout remis en place, ça disait dans le tutoriel que j'avais trouvé, appuyez comme il faut. Et J'ai appuyé comme faux et la vitre a juste comme cédé puis pété en deux. J'ai fait « OK, fuck that, je vais le faire réparer. » C'est sûr que le 3GS, 3G, 3GS, c'était fait un petit peu différemment. Tantôt, je parlais des vitres laminées ensemble. Oui. 3G, 3GS, le LCD est séparé de l'écran tactile. Okay. À cause de ça, c'était un petit peu plus simple de faire les réparations. Monsieur, madame, tout le monde, c'était plus en mesure. Mais tu sais, il faut quand même tailler la bonne adhésif. Parce que si tu ne mets pas l'adhésif, ça va casser tout de suite. Okay. Si tu mets de la pression aux mauvaises places, ben, évidemment, comme tout ça est arrivé, ça va péter. T'sais. C'est designé d'une manière, c'est fait pour être démonté d'une manière et remonté de la même manière. Il n'y a pas 18 façons de le faire, mais si tu n'en as pas fait 10 dans ta vie, tu ne le sais pas. Ah, exactement. Dans le reportage qui a montré la facture, ils n'ont pas parlé du site qui s'appelle iFixit. Ils l'ont montré, mais ils n'ont pas dit c'était quoi le site, parce qu'on sait tous que ce site-là est réputé pour démonter tous les appareils et montrer toutes les vidéos, les parties. Le commun du mortel peut se servir de ce site-là pour réparer, mettons, le dock connector, le bouton. Peut-être lui, mais peut-être plus lui. Lui, c'est plus facile. Mais c'est ça. Il aurait pu le dire. De genre aller voir des manuels sur Internet, ces affaires-là. Ils n'ont pas vraiment insisté sur... Ils n'ont pas trop parlé, parce que c'est toujours dangereux. iFixit est là pour te donner des idées, te dire que tu es capable de le faire, mais c'est des vendeurs de pièces. Faut pas oublier. Oui, je sais. Mais gars, moi, quand j'ai ouvert mon MacBook Pro, puis j'ai enlevé mon lecteur CD et j'ai remis un disque dur, il a tout fallu que j'enlève tous les morceaux qu'il y a ici. Puis ils m'ont aidé. Oui, c'est clair, il y a des photos, c'est simple. Ils m'ont tout montré comment faire, puis je l'ai tout défaite en haut, le speaker, Bluetooth, mais, Wi-Fi. Mais tu savais dans quoi tu te lançais. Oui, je savais, c'est ça, je te dis. Mais c'est pas comme le commun du mortel qui peut le faire, tu sais, comme nous autres. C'est sûr qu'on le ferait, là. Oui. Je veux dire, on le ferait les quatre sites, mais là, toi, oui. Là. Mais je veux dire, mais nous tous trois, ouais, c'est ça. Nous trois, on le ferait tout de suite demain matin. Là, mais commun du mortel qui veut, comme tu dis, ceux qui sont capables d'utiliser un tournevis puis sont assez agiles de leur main, ils peuvent le faire avec iFixit. Pour iFixit, la seule chose que je conseille de faire attention, c'est de prendre son temps. Regardez les images. Ah oui. Assurez-vous d'avoir bien compris ce qui se passe. Ouais. Parce qu'ils sont bons pour éviter de mentionner certaines petites choses. Ah oui? Ils ont tendance à oublier des petites étapes cruciales qui font que tu achètes une pièce, disons que tu achètes une vitre, ils t'avendent avec la vitre, l'écran tactile, le LCD, tu reçois, c'est de la très bonne qualité, la pièce qu'ils t'envoient est 100% fonctionnelle, mais tu viens pour l'installer, puis sans faire exprès, ils te l'ont pas dit, mais il fallait que tu fasses attention au connecteur. Okay. Tout, tu rentres ça, floc, connecteur déchire, ta vitre est finie. Bon. Tu viens de flamber 20$ plus le kit d'outils. Tant qu'à ça, paye 70, faut faire remplacer ta vitre. T'sais. C'est autour de ça, une réparation de vitre, c'est autour de 60-70$? Ça dépend des appareils. iPhone 4, 4S, une vitre en avant, 70$. OK. Ça prend environ une heure. En tout cas, pour nous, c'est une heure avec un rendez-vous. La plupart des autres réparations, c'est des alentours de 60 pour ces deux appareils-là. OK. L'iPhone 5, les prix, ça fluctue quand même beaucoup. Il n'y a pas longtemps, c'était quand même pas loin de 200$. Là, on est rendu dans les alentours de 110. OK. Encore une réparation à l'intérieur d'une heure. Le reste des réparations sur l'iPhone 5, c'est dans les alentours de 70. 5S, 5C, ça vient de sortir. Là, on regarde vraiment dans du 200 pour okay. l'instant. Plus ça va, plus les pièces, ils en vendent peu importe où. En grande quantité. Exactement. Les prix diminuent. Puis la réparation, tout le monde s'habitue aussi. Fait que tout le monde peut baisser ses prix. OK. Est-ce qu'on a le choix de... Chez iRepair, on a-tu le choix de la qualité de produit qu'on veut ou c'est une pièce, puis merci, bonsoir? Ça dépend des options. Okay. Généralement, on installe les pièces d'origine okay. pour les pièces noires ou blanches sur les iPhones, mm-hmm. mais on fait aussi des couleurs. Des couleurs de base, des couleurs miroirs, des couleurs transparentes. Pour les vitres en avant, les vitres en arrière, pour les iPhone 5, le frame, parce que le S5S, il sort en blanc, en noir, en champagne. Okay. Mais nous autres, on peut te mettre toutes les couleurs que tu veux. OK. Mais pour venir au grade de qualité, les pièces, comme je dis, de remplacement ou noir ou blanc, c'est des originales. Okay. Les autres, tristement, Apple n'en fait pas. Non, donc, au bout ça. De la ligne, c'est des copies. Okay. Mais c'est vraiment juste la vitre, la couleur qui est derrière la vitre qui est une copie. Okay. Tout le reste, nous, on achète la plus haute qualité disponible sur le marché. De toute façon, en fait, comme tu as un pouvoir d'achat, si tu achètes la plus chère, mais tu as payé moins cher, si quelqu'un vient te voir et te dit hey, moi, je veux payer moins cher, mets-moi un grade A ou une copie de grade C, tu vas payer le même prix parce que tu vas en acheter une. Okay? Mm-hmm. Fait que dans ce cas-là, ça revient pas. Mais on offre quand même l'option au client. Oui? Parce que si quelqu'un trouve que le prix est trop cher, ben souvent, j'ai des vitres usagées. Okay. Je peux vendre à rabais. Puis des fois, ben, y a des gens qui veulent vraiment payer beaucoup moins cher. Puis là, j'ai des vitres qui sont endommagées, mais pas inutilisables. Okay. Donc, la personne, elle veut vraiment payer beaucoup moins cher, mais elle veut quand même avoir notre garantie de 90 jours. On va te mettre une vitre différente, mais c'est quand même des originales au bout de la ligne. Avez-vous des garanties prolongées? Notre garantie, c'est l'équivalent de Apple sur un appareil de remplacement. OK, c'est bon. Donc, la différence entre les payer 169 $ pour un iPhone 4 ou payer 70 $, c'est pas la garantie parce qu'on offre la même sur l'installation et sur la pièce. Dans le cas de Apple, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te donner un nouvel appareil qui est pas nécessairement qu'on dit neuf. En fait, c'est tout ce qui est à l'extérieur qui est neuf. Ouais. Donc, tout ce que tu vas toucher, bouton extérieur, tout ça, ça, c'est neuf. Par contre, à l'intérieur, c'est une carte mère qui a déjà été utilisée, exactement, qui était cassée, qui a été réparée. Ouais. Un peu le même genre de réparation que ce que vous faites, peut-être un par une machine. D'après ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont renvoyés à Apple en Californie. OK. Puis ils ont vraiment un centre qui s'occupe de reconditionner les appareils. La seule chose, c'est que c'est pas toujours identifiable s'il y a des dommages d'eau sur l'appareil, okay, ou s'il y a des chips qui manquent sur la carte mère. Puis eux, des fois, ils reconditionnent, ils testent les fonctionnalités de base, mais pas toutes les fonctionnalités. Okay. Puis là, ils renvoient ça dans le magasin, puis t'ajoutes le téléphone, tu reviens 3 jours après, puis t'as encore un autre problème. T'es quand même sur une garantie, mais oui. C'est un appareil reconditionné, il faut se le dire ouvertement. Mais c'est comme les MacBook Pro, les iPads, tout ce qu'on ajoute sur le refurbish sur Apple, c'est toutes des... T'sais, à l'extérieur, il va être super beau, mais à l'intérieur, comme lui, c'est lui, il vient d'un refurbish, là, il vient du refurbish d'Apple. Mm-hmm. Je n'ai pas acheté neuf, là, fait que je l'ai fait venir de Apple. Mm-hmm. Ben, j'ai quand même là, un an de garantie. Là. Exact. Tout le temps de base, un an de garantie. Oui, c'est ça. C'est la même affaire. Puis il ne m'a jamais pété. Ça va en faire 2 ans. Non, mais je peux te le dire. On a vu des iPhones remplacés au Apple Store venir nous voir parce qu'il y avait d'autres problèmes qui étaient hors de leurs 90 jours de garantie. C'est pas toujours les appareils reconditionnés les plus impeccables. Ah ouais? À l'intérieur, on le voit pas parce que c'est en noir en blanc, mais il y en a de la vis là-dedans. Des fois, il en manque. Des fois, ils sont mal vissés. C'est tout croche des fois. OK. C'est spécial. Je veux pas bâcher sur personne, mais... Un des trucs qui a pas été mentionné dans le reportage, c'est les autres compagnies. T'as un Sony, t'as un LG... T'as un Samsung à faire réparer. Dans le reportage. Bonne chance. Bonne chance en tabarouette. C'est une des raisons pourquoi ils ont choisi Apple aussi. Parce que comme on se disait tout à l'heure avant que l'émission commence, Apple, c'est la seule compagnie où tu peux aller dans un magasin Apple puis tu peux obtenir du soutien technique directement du fabricant. Exact. Ouais. Parce que tous les autres magasins, Sony Style ou la maison Sony, c'est franchisé. Samsung, pas de magasin. Rentre pas là avec ton Xperia, ils te le répareront pas. Mm-hmm. Ben non. Ils vont te vendre une 4K, par exemple. Ouais. L'image va être belle. Ouais, l'image va être belle en tête. Avec Samsung, ils vont te charger le même prix qu'à Apple. Oui. Puis il va falloir que tu envoies ton téléphone par la poste ou tu le porter dans un entrepôt à Ville-Saint-Laurent. Ton opérateur pour faire ça. Oui, la plupart du temps, tu passes pas par... Tu passes pas par la compagnie directe. Non, c'est ça. Tu n'appelles pas chez Sony, chez Samsung. Tu appelles chez Rogers, TELUS, name it. Oui. Mm-hmm. Puis tu perds ton téléphone pour quelques jours. Et tu perds ton téléphone pour quelques jours. Et ton information. Oui. Les gens tiennent à leur information. C'est souvent même pour ça qu'ils viennent nous voir, nous, parce qu'on ne remplace pas l'appareil, donc ils ne perdent pas leur information. Mmh. On leur donne en une heure, puis ils ont tout sauvé. Apple, tu vas les voir, tu remplaces ton appareil, ils ne te font pas ton backup. Si tu ne l'as pas fait, ben, y a un ordinateur là, bonne chance. Oui, c'est ça. Sinon, ben, tu as perdu tes affaires, puis ça finit là. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a donné 5 gigs d'iCloud, le gros. Exactement, ouais, utilise-le. Oui, exactement. Quoi qu'il faut faire attention avec Find My Phone, parce que ça peut causer des troubles des fois aussi. C'est vrai. Ça, c'est une autre histoire. Ça fait pas mal le tour, en fait. Est-ce que vous, il y avait d'autres choses dans l'entrevue qui vous a débité ou que vous trouviez qui était pas clair? Peut-être les gens sur Internet qui nous écoutent Vous avez vu ce reportage-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on vous a donné les bonnes informations par rapport à ça? Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des compagnies comme iRepair qui pouvaient faire ces réparations-là? Probablement que oui, parce que vous nous écoutez à chaque semaine et qu'on les mentionne, mais peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Mais ça va être de plus en plus ça maintenant. Là. Ça s'en va vers ça. T'sais, c'est comme même au début de la facture la semaine passée, la madame avec sa laveuse. Oui. La laveuse, elle n'avait même pas 2 ans, puis elle a cessé de fonctionner. Là. Puis le réparateur a dit, parce qu'ils ne fournissent même plus la pièce. Ils fournissent plus la pièce de la laveuse. Fait comment tu veux que je la répare? Tu sais, les nouvelles laveuses intelligentes. Tu sais, mettons, ceux qui s'en viennent qu'on a vu au CES cette année. Ouais, là. C'est ça. Avant, les laveuses, c'était des pièces mécaniques qu'il y avait là-dedans, mais maintenant, c'est rendu des pièces électroniques dans les laveuses. Oui, moi, j'ai une vieille... ma laveuse, là, on est elle a 10 ans, OK? Mm-hmm. C'est une vieille Anglis. Elle fonctionne number one. Des anciennes laveuses. J'en veux pas des nouvelles. Mettons qu'elle brise demain matin, je fais quoi, moi, King? J'ai acheté un sous-recommandation du Protégez-vous. J'ai acheté un lave-vaisselle il y a une couple d'années. Puis c'était comme le meilleur, tu sais, bon, rapport qualité-prix, tout le kit. Puis à un moment donné, il y a eu de l'eau. Tu sais, c'est normal, sur un lave-vaisselle. Il y a eu de l'eau sur le système électronique en haut. Le gars, il est venu à la maison, il m'a chargé d'abord pour le diagnostic. Apple, non, il charge pas pour un diagnostic. Non. Que ton appareil soit en dehors de la garantie prolongée, tu prends rendez-vous. Reviens dans 2-3 jours, on va le vérifier, on va t'appeler. On va te donner la facture, combien ça te coûte, puis si tu dis oui ou non. Merci, bonsoir, fini. Exact. C'est ça. Une expérience. Puis le gars, il m'a dit, ben c'est 700$. J'ai dit, c'est ça, je l'ai payé. Je vais pas changer un système électronique, parce que c'est ça qui a pété. Puis bon, j'aurais probablement pu fouiller sur Internet, peut-être trouver, mais tu sais, des pièces d'iPhone, ça semble plus facile à trouver. C'est sûr que la qualité, puis tu peux te faire avoir, là, mais tu sais, une pièce pour un lave-vaisselle, tu la trouveras pas. Oui. En effet, au début, si tu sais pas qu'est-ce que tu fais, tu vas aller sur Internet, tu vas aller sur eBay, qui est Amazon, choses comme ça, iFixit. Tu vas trouver des choses. Ça va quand même coûter cher pour des pièces individuelles. Ouais. Apple, comme tout le monde le sait, vendent pas de pièces. Ils veulent pas faire la réparation. Ils vendent des produits neufs. Ben, il y a un changement de politique. Dernièrement, il va avoir des réparations 5S, on-site 5S. Sur le 5S. Ils font des réparations de base dans lesquelles ils n'enlèvent pas la carte mère. Okay. Donc, ce qu'ils sont capables de faire en arrière, ils veulent l'essayer. À date, ça a l'air un petit peu compliqué aux États-Unis. Ça fonctionne, mais ça génère plus de problèmes. C'est vrai? Ben, disons que nous, avec 10 000 appareils réparés, on a vu des problèmes. Mm-hmm. J'y anticipe les problèmes. Les autres, ils fabriquent des appareils, mais ils n'ont pas d'expertise en réparation. Ah. Fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font un petit peu un shot in the dark, désolé pour l'anglicisme. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Mais ils font des bons produits. Ça, c'est bon là-dedans. C'est bon. Tu parlais des pièces, justement. Nous, en tant que tels, on ne peut pas les acheter à Apple. Donc, on trouve les mêmes fournisseurs à qui Apple achète ses pièces. Okay. On les achète de là. C'est pour ça qu'on peut avoir des originales aussi. Puis c'est beaucoup plus simple. Là. Ça facilite la chose. Excellent. Merci beaucoup, Francis, d'être passé. Est-ce que tu restes encore un peu avec nous? Je vais rester un petit peu. Excellent. Merci beaucoup. Pas de problème. On va passer au segment des nouvelles après ce petit message publicitaire. Mac Québec, le podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Rebienvenue au podcast Mac Québec à ce segment de nouvelles. C'est une semaine plutôt, deux semaines plutôt calme. Assez relax. Il n'y a pas eu tant d'informations que ça. En fait, je regardais ce que je faisais les deux dernières semaines, puis je me disais, tabarouette, il va y avoir plus de trucs et de questions à répondre dans les amateurs que de nouvelles. Mais il y en a quand même quelques-unes. D'abord, en fait, on le sait, Apple est probablement à l'interne en train de développer un truc qui va être porté au poignet, qu'on risque d'appeler le iWatch. En tout cas, c'est le nom que les rumeurs lui donnent. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Ça fait longtemps. Depuis deux ans, peut-être. Ah, comme il faut, effectivement. Et c'est en fait avec l'annonce de la Pebble que la rumeur a été très, très forte. Depuis, Samsung a annoncé et sorti son produit qui marche absolument pas. La Gear. Il dure 4 heures de batterie. Oui, ben en fait, en français, la Gear, c'est plus... c'est le patente, oui, c'est ça, qu'on pourrait appeler ça. Donc, pas de durée de vie de batterie. En fait, on voit ce que Samsung a voulu faire, c'est-à-dire de dire, nous autres, on l'a sorti en premier, voilà notre truc. Apple, eux, se sont dit, OK, ben on a révolutionné le téléphone, on a révolutionné la tablette. Maintenant, comment on fait pour révolutionner la montre que plus personne veut porter, parce que on a notre téléphone. Exactement. Dans la poche. On ose croire que le produit qu'Apple va offrir va probablement être plus révolutionnaire que ce que Samsung a sorti. Oui, c'est clair. Puis on voit en fait que Apple, ils vont sérieusement, c'est-à-dire que ils ont engagé des gens de design, ils ont engagé des gens au niveau de la mode, la fille de Burberry qui a été entre autres engagée il y a quelques semaines, il y a du personnel médical qui a été engagé pour tweaker le mieux possible probablement les senseurs qu'il va avoir là-dessus et en fait en faire un appareil un peu comme le Fuel, comme le Fitbit, comme le Up de Jawbone. Donc un appareil qui te dirait si t'es en santé ou pas. Fait que toi puis moi, Jean-Michel, faut pas s'acheter ça parce que la batterie va durer une demi-heure. Elle va nous crier après qu'on devrait pas manger ça, on devrait bouger plus. Imagine-toi, iOS 8, toi là. Il parle que ça va s'en venir fitness, vous allez broyer, là. Recharge ton téléphone en le secouant. Oh, ouais, c'est ça. Un expert du domaine médical qui a été engagé, qui travaillait chez Philips Research avant, qui s'appelle Roy G.E.M. Raymond. Ils ont vraiment des... Je pense qu'ils engagent à cause de leur nom. Ils ont tout le temps des noms super cool. Un nom qui a l'air important. Exactement. Donc, c'est pour un projet secret, mais on sait bien que c'est pour aller sur ce projet-là. Il y a aussi d'autres nouvelles qui ont été annoncées qui pourraient être en rapport avec la iWatch, entre autres des brevets qui ont été proposés par Apple, soit pour l'utilisation d'un panneau solaire pour recharger un appareil, mais on s'entend que si c'est un écran de 1 quelques pouces, ça ne va pas recharger des masses. Non, c'est à la limite, ça va étirer la durée de vie de batterie. Sinon, l'autre, ça pourrait être dans le bracelet où il y aurait une création d'électricité due au mouvement, peut-être. Donc, simplement la friction... Il y a on le sait, on est capable de générer un peu d'électricité par la friction. Donc, est-ce que ce serait possible de le faire de ce côté-là? Et il y a un autre brevet qui est sorti cette semaine pour un tapis sur lequel tu déposes ton appareil pour le charger, donc par induction. Et il semblerait en fait qu'il y a une certaine fonction... En fait, un feature, c'est que selon comment tu places ton appareil, il va faire différents trucs. Fait que je sais pas si tu veux qu'il se recharge plus rapidement, peut-être, ben tu peux le mettre d'un certain sens, puis c'est lui où est-ce qu'il va avoir plus d'électricité de poussée ou quelque chose comme ça. Donc c'est des trucs qui sont sortis cette semaine. Mais il y a encore les rumeurs du iPhone 6 là. Oui. Le Galaxy va sortir bientôt. Galaxy, fait que c'est ça. On va tomber dans la période de rumeurs. Fait que là, il y aurait genre comme 3 grosseurs, là, 4 pouces, 4.5, puis 6 aussi, j'ai vu passer. J'ai entendu un iPhone 6 régulier puis un iPhone un petit peu plus phablette. Ah ouais? C'est ce que j'ai entendu. OK. Ça... Moi, j'ai lu 4.7, 4.8 pouces. Ouais. Je comprends pas. C'est, tu sais, un point, un pouce, là, on s'en fout. Ouais. 5.5 que j'ai lu. On parle d'un capteur mégapixel de 10 mégapixels. Ça va pas faire grand-chose, mais c'est l'ouverture qui va faire changer quelque chose. Hey, 1.8, là... Si c'est ça, là, ça va être malade des photos. Je ne me connais pas grand-chose en photo, mais une ouverture de 1.8 là, sur un cellulaire, les photos vont être numéro un. Ouais. Déjà que le 5S, les photos sont très bonnes. Sont très belles. Ouais. Fait que s'ils mettent un 1.8 dans le capteur, dans l'ouverture, ça va être débile. Là. Si je ne me trompe pas, il y a un appareil de LG qui a un appareil qui a une longueur focale de 1.8. C'est peut-être le 10-20 de Nokia. Peut-être. Avec le Windows, le 41 mégapixels. Je pense que c'est ça, c'est de la photo. Là. Mais ça sert à rien. Là. Le monde, c'est ça qu'il disait dans la nouvelle, qui parlait de 10 mégapixels. Le monde disait, ils vont-ils arrêter de courir aux mégapixels? Ça sert à rien, puis améliorer le capteur. Et là, iPhone, pourtant, est celui qui a un des meilleurs capteurs. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques autres appareils qui font encore mieux, mais l'optimisation des images au niveau de la compression est excellente au niveau software. Ah oui, le HDR, le High Definition Range, quand tu l'actives, quand tu veux, moi je l'ai tout le temps activé, là, il prend 3 photos en même temps, ding, ding, ding, puis il merge, puis il calcule en même temps, puis ça va comme ça, là, puis la photo sort très belle. Là. Apple a même acheté une compagnie pour quelques dizaines de millions de dollars. On en avait parlé il y a quelques semaines. Ils ont acheté la compagnie d'un gars qui fait une application de Burst Mode. Oui, c'est vrai. Puis oui. Au lieu de prendre 10 photos en une seconde, comme ça le fait actuellement sur le iPhone 5S, le gars, lui, a optimisé son application, ça en prend 30 ou 60. Oui. Fait que... Hein? Oui. Oui. Ouais, ça va être. Sinon, juste sur le 5S, sur le 5S, le vidéo, c'est clé. Ah, ouais. Ça capte tous les moments. Ouais. Tu peux shaker, tu peux faire ce que tu veux. Le vidéo, il est crisp. Puis là. Quand tu le mets en slow motion. En slow motion, en 60 frames, tu vois la différence. C'est très beau. Là. C'est mon boss qui a été à Saint Martin. En vacances, il y a deux semaines. J'étais là il y a une semaine. Ah, toi? Ouais. Bon, est-ce que tu étais sur la plage et tu as vu l'avion arriver sur la plage? Non, j'ai pas été à cette plage-là. Il montre ça. Je savais pas que ça existait. Il a pris avec son iPhone 5S sur la plage de Saint Martin. Il y a une piste d'atterrissage, mais quand l'avion arrive, on dirait que l'avion va s'écraser, mais la piste d'atterrissage est à la plage. Oh. Il y a du monde qui prend des photos, des vidéos de ça, parce que c'est la seule place que tu peux voir ça, puis il me montrait ça de sa chambre d'hôtel, c'est débile. Ça va se cracher. Il me dit, non, la piste elle est là. C'est fou, mais l'image que ça... qu'avec le 5S, qui est capable d'enregistrer en vidéo... Imaginez-vous, s'ils changent le capteur encore dans le 6, ça va être débile, là. Ça va être fou. Puis dans ces rumeurs-là, on parle même, dans le 5S actuellement, il y a un anti-shake qui est logiciel. Il essaierait d'inclure un anti-shake, mais optique, coup-là. Donc, encore moins de shakeage. Je crois que c'est toujours mieux de faire des films avec un trépied. Ils vont peut-être mettre aussi un zoom optique à un moment donné. T'sais, ils vont peut-être m'amener aussi. Ben ça, c'est parce que ça prend de la place. Ça prend de la place, mais je veux dire, mais pas de... Pas 20X, là, on s'entend. Là. Ouais, mais quand même, ça prend de la place pour un mouvement. Oui, ça, il y a des lentilles. Ouais. Micro, zoom, télescope, il y en a plein de lentilles pour la photographie. On va se dire, Apple, une chose qui sont bons, ils révolutionnent le marché avec un nouveau produit, l'iPhone, l'iPod, l'iPad, puis ce qu'ils font, ils l'améliorent. Mm-hmm. L'iPhone 6, ça va être quoi, la 7e, 8e génération? 9e. 9e. Ça va faire des générations. Ça commence, ouais. Ça commence à être excellent dans ce qu'ils font. Ouais. Le 6, ça va être impressionnant. Sinon, je vous le disais au dernier podcast, en fait, qu'il y a une rumeur comme quoi un channel WWE s'en viendrait sur le Apple TV. On a une date, ce serait le 24 février prochain, où on aurait Est-ce que ça va être au Canada ou seulement aux États-Unis? Ça risque d'être seulement aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Parce que y a le WWE Online, il y a un site web où est-ce que tu peux aller ou un... Non, il y a un channel que tu peux t'abonner 24 heures sur 24. C'est un truc à la Netflix maintenant que tu peux t'abonner. Mm-hmm. Si je me trompe pas. Puis c'est juste aux États-Unis. Nous, donc, ici, sont trop occupés de nous mettre des affaires intéressantes comme la télé coréenne ou bien... mais attends, on a les shows coréens là, qui sont assez fucked up. Oui, c'est ça. Puis on a... comment ça s'appelle? Il y a des mangas animés, là. Dragon Ball? Dans le Core TV, là? Non, pas dans le Core TV. Il y a une autre application, c'est ça, là. C'est dans derrière rangé en bas. Crunchyroll, c'est ça. Ça, là? Ouais. Crunchyroll? J'avais même pas vu ça. Fait qu'on voit qu'on roule souvent nos Apple TV. Moi, c'est juste pour jouer des dessins, c'est tout des dessins animés japonais. Ah, mon Dieu. Ça, C'est comme un Netflix. Ils sont en français, en plus. Tu t'abonnes, y a-tu une section, genre... Je sais pas, je me suis pas, j'ai pas d'argent à dépenser là-dessus. Peut-être. J'aurai une section pour adultes. Ah ouais, c'est parce qu'il y a... Non, c'est sûr qu'il y en aura pas. C'est sûr qu'il y en aura pas. Non, je niaisais, mais... Ils devraient mettre un channel, par exemple. Si t'as une carte de crédit, on te met de la porn, Playboy, je suis sûr qu'il... C'est vrai, ça poignerait, Playboy sortira un channel, Playboy, là, sur Apple TV, never name it. Netflix 4K de cul, mon gars, ça poigne, c'est sûr. On passe ça, les gars, demain matin. Mais sinon, dans les intéressants au Canada, là, si tu reviens à l'écran d'accueil, on a Quello à côté. Là, c'est des vidéos de concerts. C'est quand même intéressant. C'est payant, par contre. OK. Ça coûte une dizaine de dollars par mois, je crois. Ah. 4,99 par mois, c'est moins épais. Pour Beyoncé. Il y a une bonne sélection, mais c'est surtout c'est des DVD là, qui sont déjà sortis. Il n'y a rien d'exclusif là, là-dessus. Il faut que ça soit déjà... Ouais, mais c'est ça. Ben, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui, mettons, qui s'achète des DVD ou qui regarde des DVD de concert. Oui, c'est ça. Mais... C'est pas stupide. C'est la même chose que la section DVD de concert chez HMV, là, finalement. Il y a la MLS. Oui. C'est la même chose que le NHL. Si l'Impact joue ici, tu peux pas écouter le match? Je sais pas, je l'ai jamais essayé. Je pense pas qu'il soit assez big pour ça. Mais encore là, ça doit être payant. Il doit y avoir peut-être des clips gratuits. Peut-être. Si on va voir. Core TV, c'est coréen, c'est ça? C'est coréen, la télé coréenne. Parlant de la Corée, il y a une nouvelle cette semaine. En fait, il y a un système d'exploitation qui existe. Il y a un Restore Subscription. Il y avait MLS Live en haut, là, tantôt, si tu reviens. En Corée du Nord, il y a un système d'exploitation qui est développé par... Par le gouvernement, évidemment, qui restreint en fait un certain nombre de choses. Et c'est une version de Linux qui est améliorée par des ingénieurs aussi, là-bas. La version 2 qui est sortie il y a peut-être 3 ans avait un look Windows 7. La version 3 qui est sortie il y a à peu près 6 mois, ça a pris un certain temps avant de s'en venir ici parce qu'on le sait, il n'y a pas grand-chose qui traverse facilement le rideau de fer. L'Internet en Corée du Nord. Il y a un Dennis Rodman qui rentre et qui sort comme il veut, mais c'est à peu près tout. Mais le système d'exploitation est sorti de là-bas et c'est une copie conforme de OS X. C'est très drôle parce que c'est toutes les icônes cheap que tu retrouves sur des téléphones no-name qui ont été greffés. Mais les fenêtres, les menus, tout le kit, c'est vraiment OS X. C'est très drôle à regarder. Mais ils ont rajouté aussi cette semaine le Red Bull TV. Ça fait peut-être 2-3 semaines. Ouais. C'est pas super extrême. Non, j'écoute pas ça. J'écoute aucun channel là-dessus, à part Netflix. Netflix, ouais. Même Netflix, je l'écoute même plus sur ma Apple TV, j'écoute sur ma PS4. Fait que... Moi, je suis rendu abonné à Netflix, je me suis désabonné de Hulu, puis je suis rendu abonné à Netflix. C'est trop compliqué d'accéder à Hulu, je trouve, maintenant. Ah oui? Ouais, surtout sur l'Apple TV. Ben c'est parce que maintenant, je l'écoute beaucoup sur mon Apple TV, puis je serais obligé de me connecter avec mon compte américain, puis j'aurais pas accès à ma musique, puis ces choses-là. Parce que faut que tu changes ton compte dans ton Apple TV, faut que tu choisisses ton USA maintenant. Là, tandis qu'avec Unblock Us ou NetProtect on peut on accède à Netflix américain avec un compte canadien là, sur l'Apple TV. Ça fonctionne très bien. J'ai hâte qu'ils sortent une application iOS. Ça fonctionne bien sur Safari, NetProtect, mais une application iOS, ça serait pour super. Pour gérer le compte. Pour gérer les channels, parce qu'il y en a, là. Ouais. Ils en sortent à tous les jours. Ils ont sorti du Super Bowl en fin de semaine. On pourrait regarder le Super Bowl sur Fox Sports en direct. OK. Aux États-Unis, fait que t'avais toutes les pubs, parce qu'il y a une limite que tu voulais, là. Fait que ça fonctionne très bien, là. C'est, tu changes, mettons, t'es sur Netflix, t'es au Canada, tu le mets au USA, tu peux aller dans tous les pays où Netflix est disponible. C'est ça. Le seul problème vient de s'abonner au Netflix là, de l'autre pays. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, t'as une carte de crédit de là-bas. Oui, c'est rendu beaucoup plus compliqué maintenant, Netflix? Là, s'abonner. Oui. Ben plus compliqué qu'avant, je trouve. Ben moi, au Canada, il est ici, mais moi, je m'envoie en Grande-Bretagne, il ne me demande rien. Là. Le compte est valide? Ah oui, avec NetProtect, mais oui. Pour de vrai? Ben oui. J'ai jamais... Il me semble que c'est deux comptes pour... Non. Ben au Canada, puis aux États-Unis, mon compte canadien ne fonctionne pas aux États-Unis. Exactement. Ben oui. Non. Ben moi, oui. Ben, tu t'es abonné deux fois avec la même... T'es abonné à Netflix Canada, c'est sûr qu'il sort switch à Netflix Canada si tu connectes ton compte à canadien. Si, mettons, je me branche, je vais être chez nous, je vais me brancher en Grande-Bretagne, je vais ouvrir mon application Netflix, Puis en bas complètement, au lieu de marquer Canada ou USA, ça va être marqué GB, Grande-Bretagne. J'ai pas tous les mêmes films. Je les ai toutes. Tu les as toutes avec NetProtect. T'as pas besoin de compte, là. Il fait juste un redirect vers le site. Fait que Netflix, lui, il s'en colle. T'as pas besoin de... Et ici, on peut pas l'essayer parce qu'on peut pas changer DNS. On peut pas changer DNS, mais si, mettons... Tu peux les changer local. Ouais. On va l'essayer après. On changera après, mais on va l'essayer local. On reviendra local. Avec l'information. Ouais. Ouais. Mais ça fonctionne. Moi, je switch entre pays parce qu'il y a pas tous les mêmes films. Tu sais, il y a des films qui ont, ils ont en moitié, puis là, dans un autre pays, l'autre moitié. Fait que tu switches de temps en temps. Puis moi, j'ai un compte, puis merci, bonsoir. Je vais n'importe où si je veux, hein. Ça, je savais vraiment pas. Je me suis abonné à Netflix USA avec des informations de paiement américaines. Pas en tout. Moi, j'ai canadien, ça. Puis en plus, c'est avec mon compte PayPal. Qui pourrait nous répondre sur hashtag PodMQ sur Twitter? On attend vos réponses. En attendant, une nouvelle que tu vas bien aimer, Francis. Le Morning Sentinel a mis dans ses pages qu'une jeune fille de 14 ans avait pris en feu à cause de son iPhone 5C. Ça s'est passé non pas en Chine, comme c'est le cas d'habitude, où les enfants de 6 ans savent maintenant remplacer leur propre batterie, mais des fois, ça a qu'un petit coup de tournevis dedans. Donc, la fille est à Kennebunk, dans le Maine, si je ne me trompe pas. Oui. Possiblement. Donc, elle était à l'école et elle a eu des brûlures au deuxième degré. Donc, la nouvelle est partie et, comme à l'habitude avec ce genre de nouvelles-là, j'ai attendu quelques jours parce que ça, c'est le gros titre. Puis après ça, on fait... Ouais, mais tu sais, ils en ont vendu comme 400 millions. Fait que... Là, il y en a un. Il y en a un. Seul. C'est ça. Tu sais, comme... Ah! Faut donner fou. En fait, il y a un update à la nouvelle qui est sortie. Et il semblerait qu'en s'assoyant, un autre élève aurait entendu un pop provenir de la poche de la jeune demoiselle. Donc, le téléphone aurait craqué. Puis je pense, Francis, tu me disais avant le show que tu veux pas comme... Tu veux pas être là. La trio qui casse en deux, qui perce. Un, ça sent vraiment mauvais. Puis deux, t'as une flamme à côté, là, c'est fini. Là. Ça saute. C'est une batterie, c'est fait pour faire magasiner l'énergie. C'est drôle parce que ce qu'il disait, c'est au moins l'étudiante a eu la tu sais, comme le réflexe, c'est comme dans l'annonce de stop, drop and roll. C'est des batteries au lithium. Hein, mais ouais. Tu mets un morceau de lithium dans un bac d'eau, là, ça fait une flamme, là, ça fait une réaction exothermique. Là. Oh, OK. J'ai pas testé encore. Mais... Non, mais on fait ça dans les cours de sciences au secondaire. Ils mettent un petit morceau d'une substance comme alcaline, là, puis dans n'importe quel liquide, là, ça prend feu. Ça... Vous irez voir sur YouTube, là, vous mettrez lithium in water, là, puis ça prend feu. Mais c'est quand même divertissant comme nouvelle, parce qu'on sait qu'on peut tout faire maintenant avec un iPhone, même le casser en s'assoyant dessus. Oui. Mais déjà, juste dans la première lecture de la nouvelle, il y avait ça, cette affaire-là, qu'elle l'avait dans la poche arrière de son pantalon. Déjà, ça, c'est, tu te méfies, là. Il était pas sur un comptoir à rien faire, là, dans la cuisine. Là. Mais attends, elle avait pas un lighter, donc tu dis qu'il faut que ça réagisse à l'eau. Mais de l'eau, il y en a partout. Oui, c'est ça, mais dans sa poche arrière, fait qu'elle s'est enflammée avec son beurre de raie. Ah, ça! C'est ça qu'on doit comprendre, là. Oui, on s'est rendu au bord de rire. Je suis l'animateur, je suis là pour ça. Oui, mais là... Le monde, c'est pour ça qu'il nous écoute. Ce show sérieux où l'animateur dit des énormités. Donc, c'est ça, l'Américaine de 14 ans qui s'est enflammée à coup de son bord de rire. Qui est encore vivante? Oui, elle a des trucs deuxième, two degree. Second, deuxième degré. Deuxième degré. Moment, si t'écoutes. hors de la sphère à Apple, moi, j'ai vu un gars cette semaine qui parlait d'une solution. C'était quoi? C'était un paint gun, un fusil à peinture, mais à l'intérieur, c'était une solution avec ses cellules souches de peau. Qui était mis dans une solution d'eau pour, je me souviens plus, comme effacer quel problème. Puis normalement, en fait, ils te montrent des gens qui se font faire des opérations, puis tu sais, ils te prennent de la peau, puis ils essayent de te la remettre. Puis ce monde-là, ça prend des mois et des mois, puis tu sais, tu le vois, là, tu sais, il s'est cicatrisé à fond. Okay. Il expliquait dans le reportage que le problème, c'était pendant que c'était en train de cicatriser, tu vas avoir un nombre incalculable de d'infection puis tout ça. Le gars, lui, ça y a pris 3 jours. Puis sa face, il était brûlé, là, tu sais. T'avais cloques, des grosses cloques. Dégueulasse, là, du truc 2e degré puis 3e degré. Puis le gars, là, il s'est fait sprayer ça. Comme du monde se font sprayer, là, de la carotène, du spray tan. Puis le gars, il était numéro 1, là. C'était malade, oui. C'était vraiment exceptionnel. Oui? Tu fais une petite interruption? Ben oui. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai un meeting qui suit. Tu t'en vas. Je suis désolé, je sais que... Ouais, c'est pas une toune, là. Pour les invités qui partent, là. Je prendrai pas trop de temps. Je vais juste mentionner qu'on vient de lancer un nouveau site web, aupmtl.com. Si vous voulez aller voir ça, c'est très beau, très intéressant. Et on a un article qui s'en vient dans MTL Blog d'ici les prochaines semaines et plusieurs vidéos promotionnelles. Donc, si vous allez voir ça, ça va être nice. C'est vraiment hot. Sinon, où est-ce qu'on peut retrouver la gang de Air Repair sur les internets? Sur les internets, un peu partout. On est très présents. Comme je viens de mentionner, le site web, sur Facebook, Air Repair MTL, Twitter, Instagram, Vine. Je sais qu'on a des affaires sur YouTube aussi, sur Vimeo. Sinon, l'adresse de la boutique... L'adresse physique sur Sainte-Catherine, entre Drummond et Stanley, le 1184 Sainte-Catherine-Ouest, la suite 101. C'est fort simple. Puis quand vous arrivez à la porte, vous faites juste composer le 101. On va vous répondre avec le sourire. Vous débarrez la porte, vous montez au premier étage. On est là pour vous aider. On va vous sauver la vie à tous les fois. C'est difficile à manquer. Il y a une belle pancarte aussi, très voyante. Il y a plus qu'une pancarte. Vite! Il manque pas de pancarte. Mais lisine pas ces pancartes chez Harry Potter. Non. On veut être clair, on veut être... Excellent. Merci beaucoup, Francis. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Merci. Salut bien. On va dire salut à notre invité. On vous laisse avec une capsule de Cacao Cast et on revient avec la fin des nouvelles tout de suite après. Mac Québec, le podcast. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Casgrain. Nous sommes les Coyotes et Roadrunners du podcast Cacao Cast. Nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. Aujourd'hui, nous avons deux outils et une petite astuce à vous faire partager. On va commencer par un site qui s'appelle ios.devtools.me. C'est une liste d'outils de développement pour les développeurs, donc pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au développement, qui en font déjà ou qui veulent se lancer dans le développement d'applications sur iOS. On est des fois un peu perdu, on sait qu'il y a l'application qui s'appelle Xcode qui permet de développer des applications, c'est la plus connue et vous êtes obligé de l'utiliser, c'est vraiment la seule qu'Apple va vous permettre d'utiliser pour pouvoir développer vos applications et les soumettre à l'App Store. Mais il y a en général beaucoup d'autres outils dont on a besoin pour faire du débogage, pour gérer les graphismes, pour gérer les versions, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses, ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. Mais il y a un développeur qui s'appelle Adam Swindon qui a créé une liste, donc il a fait une liste de tous ces outils de développement classés par catégorie. Et avec un petit résumé de chaque outil et le lien, bien sûr, sur le site d'origine de cet outil. C'est donc ça. C'est... Et c'est pas comme Wikipédia où vous avez une liste compréhensive de tout ce qui s'est déjà fait depuis le début, là. C'est vraiment la liste mise à jour de ce qui est bon en ce moment, ce qui fonctionne en ce moment et ce qui est recommandé par d'autres. Alors, c'est comme une liste avec un éditeur, finalement. Voilà. Donc, c'est toujours bon parce que de chercher sur Google, vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon résultat. Il y a peut-être des outils là-dedans qui sont pas très intéressants, qui sont peut-être plus chers que ce qu'ils devraient être. Ou ils sont périmés, qui ne marchent pas avec la nouvelle version d'Xcode. Voilà, donc on ne vous conseille pas de faire ça. C'est toujours bon d'utiliser un petit peu le travail d'un autre développeur qui s'y connaît un petit peu et puis qui a fait un peu de recherche là-dedans et qui a compilé tout ça dans une jolie liste. Donc si vous allez sur le site ios.devtools.me, vous trouverez tout ça. Donc il y en a pour tous les goûts et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils disponibles. Mais faites-nous confiance, la plupart de ces outils, on les connaît ou la plupart de ces sites, on en a déjà parlé dans le podcast Cacao Cast, on a entendu parler par d'autres développeurs. Donc en général... Ou alors on les utilise nous-mêmes. On les utilise nous-mêmes, donc c'est de la bonne qualité. Donc on vous conseille d'aller faire un tour sur ce site-là et vous aurez pas mal d'informations. C'est très intéressant. Philippe, maintenant tu vas nous parler d'un outil qui était commercial jusque-là, mais qui est maintenant open source. Donc on peut voir ça comme quelque chose de gratuit. C'est pas, l'open source, ce n'est pas uniquement d'avoir des logiciels gratuits, c'est aussi de partager, de participer au développement des outils. Donc, voilà. Cet outil-là s'appelle CodePilot. Donc, qu'est-ce que ça fait et à quoi ça sert? Oui, alors CodePilot, d'ailleurs, qui se retrouve dans la liste de ios.devtools.me, c'est un outil qui était commercial, c'est-à-dire que c'est un outil qui est un plugin pour Xcode, donc quelque chose qu'on rajoute à notre environnement de programmation et qui nous permet d'ouvrir et de manipuler des fichiers texte, parce que dans Xcode, on fait souvent ça, c'est presque toujours du texte en programmation, d'ouvrir des fichiers d'entête, des fichiers d'implémentation, des fichiers de test, beaucoup plus rapidement en utilisant uniquement le clavier, pas besoin de prendre la souris pour aller cliquer sur différents petits triangles et puis pour aller ouvrir des dossiers et puis sélectionner des fichiers, cliquer sur des petites flèches qui sont minuscules sur un écran Retina. On peut tout faire avec le clavier en tapant quelques lettres l'outil faisait avait une très bonne idée de ce que vous vouliez ouvrir, il faisait un estimé de ce que vous vouliez ouvrir, et puis généralement, il trouvait la bonne chose. C'était commercial, et c'est maintenant open source. Ils ont décidé de ne plus faire de développement commercial de ce produit-là, mais de libérer le code. Alors, vous pouvez carrément télécharger le code source et l'ouvrir dans Xcode et appuyer sur Build, et hop, vous avez le plugin prêt à installer. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous voyez comment c'est fait, vous avez tout le code source, et si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez soit aider à améliorer, parce que ça va toujours besoin d'être amélioré avec les nouvelles versions d'Xcode, etc. Parce que l'architecture de plugin dans Xcode n'est pas une architecture officielle. C'est quelque chose qui est peu ou pas documenté, mais que plusieurs personnes utilisent pour faire toutes sortes d'améliorations à Xcode. L'autre avantage, évidemment, c'est que maintenant, vous avez un plugin open source Xcode qui est très puissant, qui fait beaucoup de choses, et ça peut vous donner une idée de qu'est-ce que ça prend faire un plugin pour Xcode. Donc, si vous êtes un développeur avancé, vous avez des idées de comment vous pourriez améliorer Xcode et vous ne saviez pas par quel bout le prendre, ça peut être une bonne base d'utiliser un système comme CodePilot qui est déjà existant. Voilà, donc allez sur macoscope.com, macoscope.com, et vous aurez tous les détails, donc y compris la petite histoire derrière cet outil. Pourquoi il est passé d'un outil commercial à un outil open source. Très intéressant. Bon, on va finir par une petite astuce. Pour ceux qui utilisent le terminal dans Mac OS X, les développeurs l'utilisent souvent. On a souvent besoin d'interagir avec le système d'exploitation pour diverses raisons. Et même si vous n'êtes pas développeur, vous avez peut-être l'intention d'utiliser le terminal pour toutes sortes d'autres raisons aussi. Voilà, pour installer des applications en ligne de commande et tout un tas de choses. Et pour faire pour personnaliser votre environnement, des fois, on a besoin de visiter le terminal. Et jusque-là, quand il fallait éditer une commande qui était un petit peu longue, on passait notre temps à utiliser les flèches de direction pour revenir en arrière, loin, puis changer peut-être un paramètre ou une lettre où on a fait une erreur de frappe au clavier. Et vous avez dû vivre ça, c'est assez agaçant parce que c'est un peu lent. Des fois, la vitesse de répétition du clavier n'est pas très rapide. Donc quand on vient en arrière, vous voyez le curseur revenir tout doucement en arrière. Mais heureusement, les développeurs de Terminal ont eu la bonne idée d'ajouter une petite astuce. Alors, de quelle astuce s'agit-il, Philippe? Il s'agit simplement d'utiliser votre souris et d'appuyer sur la touche Option de votre clavier en cliquant. Et ça va amener le curseur à cet endroit-là sur la ligne de commande. C'est un truc dont j'avais jamais entendu parler en 10 ans d'utilisation. Et depuis que je l'ai découvert, je m'en sers tout le temps. Voilà, donc c'est bon à savoir. Option clic dans le terminal peut vous sauver beaucoup de temps et vous éviter de vous arracher les cheveux quand vous avez des longues commandes et que vous avez fait une erreur au tout début. Voilà, donc c'est tout pour cette capsule et on rend la main à nos amis de Mac-Québec. Mac-Québec, le podcast. Nous revoilà en studio. Merci à Philippe et Philippe. J'ai toujours peur d'oublier le nom du deuxième animateur. C'est tellement mon oncle comme joke. On aimerait rappeler aussi deux petites choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Mac-Québec en entrée de jeu. On était trop excités de parler à Francis de iRepair, mais deux petites choses. D'abord, en fait, ça fait quelques semaines, peut-être que vous vous êtes rendu compte, on a accueilli dans nos pages, vu que maintenant on le sait, Mac-Québec est le podcast Mac le plus hot au Québec. On est le seul, mais bon, voilà. On s'est dit, tiens, si on proposait plus de contenu à nos auditeurs, et il y a un podcast très populaire en France qui s'appelle On refait le Mac, qu'on a accueilli, en fait, qui ont communiqué avec nous, qui ont dit hey, « on aimerait ça se faire connaître un petit peu de votre côté de l'Atlantique, ça vous tente-tu de nous présenter? » Et depuis quelques semaines, vous pouvez écouter, à partir de Mac Québec, les podcasts, pardon, de On refait le Mac. Donc, c'est et Olivier... Et vice versa, je pense. Je pense qu'il parle de nous, mais je pense qu'il parle de nous, mais je suis pas sûr qu'il nous présente. Je suis pas sûr qu'ils ont un site web, en fait. Ah! Mais ouais, je pense qu'ils n'ont pas de site web. C'est ça, ils ont juste distribué. Exactement. En fait, c'est quelqu'un de iCreate, qui est une revue Apple en France, qui anime. Et ils ont des très bons intervenants, des gens qui connaissent bien le Mac, dont quelqu'un qui a déjà travaillé pour Apple à l'époque, et des gens qui en utilisent beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a qui te fait rire? Non, je pensais que c'était donc quelqu'un qui a un Mac ou bien... Non, non, en fait, ils l'appellent Monsieur X et sont obligés de mettre un filtre dessus pour qu'on le reconnaisse pas, là, comme si c'était l'insider et tout ça. Ils ont un site web. Oui, OK. Ouais, qui est là? On refait le Mac.com. OK, excellent. Donc, voilà, vous pouvez aller les voir. Et la deuxième nouvelle, en fait, peut-être que vous êtes passé à côté, mais on l'a annoncé beaucoup. Pierre Rochon de Piroxo nous a développé une application qui s'appelle MQ Mobile, qui en est à la troisième version. Version. Exactement, qui maintenant fonctionne sur iPad. Elle est très belle, très efficace. Elle est gratuite et elle est disponible. Et vous êtes 3250 quelques à avoir téléchargé l'application. On vous remercie beaucoup. On est bien content qu'elle fasse votre affaire. Et il y a probablement des petits ajustements qui vont être faits. Donc, si vous avez des idées pour l'application, des choses que vous aimeriez voir dans l'application, à ce moment-là, envoyez-nous vos suggestions. On va essayer de les prendre en compte. Ouais. Il y a une nouvelle sur Dell. Moi, je veux pas parler de ça. C'est quoi ça? Tu l'as pas vu? C'est lui qui a écrit ça. Non. Tu l'as pas vu? C'est... Non. Ça a sorti hier. Ils ont fait une nouvelle promo pour un XPS 15. OK. Et quand ils montrent la démo du vidéo, c'est macOS X qui est à l'intérieur non. du Dell. Ben oui, hein. Mais sauf que la fille qui est en train de faire le vidéo, elle touche à l'écran, mais macOS, c'est pas tactile, tu sais. Apple n'ont pas d'ordinateur tactile. Fait que c'est un peu du montage, mais tu vois la barre en haut latérale, blanche, puis tu vois les menus, les trois couleurs de boutons, des pages, des affaires-là. Et tu vois la personne, la fille aussi, avec son écran, elle switch comme ça, elle, le Windows 8, puis elle revient à macOS, là. Fait que... Oui, hein. Le vidéo a été retiré de la... Oui, mais il est sur The Verge. Ouais. Mais c'est ça, il a été retiré de Dell, parce que même que Apple... Ben non, Apple peut les poursuivre, ouais. Là. Non, t'as pas le droit de mettre un... Mais ça prouve comment une compagnie comme Dell est déconnectée de la réalité. C'est complètement. C'est tellement rendu gros, Dell, c'est tellement bureaucratique, c'est plus des produits que... Non, mais c'est là, le département de marketing a fait ça parce que le département... Ils se sont dit, bon, nous autres, on est Mac, on va prendre un screenshot ici, puis on va faire l'animation comme ça, mais ça a dû se perdre dans des piles d'approbation de quelque chose. Puis ben ouais. Il y a comme le directeur du marketing qui a dit, oh, c'est beau ça, là, puis ils ont diffusé ça, là. C'est exactement comme ça que c'est produit. Dans un autre ordre d'idée, Dell annonce bientôt slacker à peu près 2000 personnes. Mais c'est vrai que c'est rendu... Dell ferme un de ses 7000 centres d'appel en Inde. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Avez-vous déjà appelé chez Dell oui, faire ben, un remplacement oui. de garantie? Non, mais ben moi, j'ai déjà appelé pour Jason, pour son ordinateur. Je vais faire changer l'adresse de shipping. Un nosti de bordel. Premièrement, excuse du mot là, mais un bordel total, OK? Je me suis fâché là, je sais plus combien de fois. Je là ma gang de temps, OK, parce qu'ils comprennent pas eux autres là. Je vais m'annuler la commande, je n'en veux plus. Ouais, mais monsieur Roy, non, il y en a plus de commande. J'ai pogné les nerfs après la fille, c'est tellement compliqué. Ouais. Il dit, ben, on peut pas faire changer l'adresse. Hey, appelle chez Bureau Later, là, puis fais changer l'adresse, là. C'est pas compliqué, là. Je te donne cette adresse-là, tu m'as fait venir là. Parce que je suis pas là dans le jour, puis je peux pas me rendre à Anjou, au dépôt, à Anjou, aller le chercher, j'ai pas de char. Fait que, change-moi l'adresse. Mais t'appelles, ça a l'air super simple. Tu appuies sur le 1 si vous voulez acheter un produit, ou le 2 si vous avez besoin d'aide. Là, tu sélectionnes la catégorie de ton produit, puis tu dis, mais voyons, non, c'est donc bien simple. Puis là, ils te répondent, puis moi, j'ai un problème avec mon écran. Ouais, mais vous êtes au soutien technique entreprise pour les serveurs. Oui, peut-être, là, mais en tout cas, j'ai sélectionné la bonne option. Oui, on vous transfère, là, puis ils nous transfèrent, on dirait qu'on appelle chez Bell, quasiment. Ouais. Bell, Dell. Ouais. Parlant de Bell, ouais. Tu voulais faire un lien. Les informations de 22 000 comptes affaires Bell sont révélées par des hackers. Parle-nous de ça, JM. Ben dans la foulée des compagnies poches. Du vol d'informations, puis de tout ça, Bell est la dernière victime. Mais au moins, c'est les utilisateurs affaires de Bell, les petites entreprises. Ça ne change rien, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne change rien que ce soit des personnes affaires et petites entreprises qui ont été. Ben c'est à moins grande échelle qu'on pense à ce qui s'est passé chez Target. Peut-être. Mais le problème, c'est que la faille que les hackers ont pris, qu'ils ont trouvé, le problème date de 3 ans. Trois ans, là, que la faille existe chez Bell. Allô? Il y a quelqu'un, il y a un sysadmin qui n'a pas fait sa job quelque part. On parle d'une compagnie qui est trop grosse, qui a trop de bureaucratie là, dans tout ça. Quand c'est marqué mise à jour de logiciel, je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux. Fais-les tes mises à jour. Là. T'sais, 3 ans à la faille, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Ben voyons, c'est Bell, c'est pas Chijo, là. C'est une grosse compagnie. Là. Moi, j'aime leur service, mais côté facturation, là, c'est un bordel total chez Bell. Là. C'est dégueulasse. D'ailleurs, on parlait de reportage de facture. Tantôt, il y a eu un reportage de facture sur le 5. C'est un excellent reportage. Je recommande à tous d'écouter. Non, mais c'est vrai. Là, c'est un vrai bon reportage. Mais c'est un bordel chez Bell. Là. Facturation, mes parents sont avec Fib. Pour que ça fonctionne, il y a un technicien qui, 8 fois, est venu. Mais pas le même. Là. 8 techniciens à la maison chez mes parents. C'est débile, là. Quand même, les techniciens savent pas comment faire fonctionner le service, il y a un problème. Non, mais c'est ça. C'est ça, en tout cas. Fait que c'est ça. Mais une faille de 3 ans qui n'a pas été mise à jour, c'est pas acceptable, là. C'est... Surtout dans les logiciels qui sont utilisés. Ben oui, c'est fou, là. Mais... Passons, Alexis, ça va bien? Oui, encore. J'étais en train de regarder, en fait, les nouvelles que moi, je mets de côté. Encore dans le domaine des patents, des brevets qui ont été remis à Apple. Un autre serait un système d'écran double, en fait. Donc, c'est pour les portables, pour les MacBooks. Mm-hmm. Et on aurait un écran d'un côté et un écran d'un autre côté. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que Apple cherche un moyen de rendre cet écran-là comme s'il n'était pas allumé, comme de changer son état puis de le rendre non transparent, mais de pouvoir en allumer une portion. Donc, la pomme serait un bout de l'écran qui s'allumerait, mais le reste serait un truc qui change d'état. Il parle ça de un verre électrochimique. Okay. Donc, on est capable de le rendre opaque ou translucide selon ce qu'on a de besoin. Donc, ça pourrait être intéressant. Sauf qu'on sait que l'écran dans un ordinateur est quand même ce qui bouffe le plus de batterie. Ouais. Donc, de demander le brevet pour quelque chose éventuel, c'est intéressant. Mais de l'autre côté, il va falloir que les technologies de batterie évolue ouais, aussi. Des fois, ces brevets-là, c'est juste des fantaisies quelque chose qui va être utilisé en partie dans un autre produit. Exactement. Sinon, je suis en train de regarder... de quoi? Non, rien. Ben, il y a une semaine, en fait, c'est passé un peu sous le radar, mais la Apple TV s'est vue octroyer son propre sa propre place. Alors que jusqu'ici, c'était un hobby ou un accessoire. Mm-hmm. Maintenant, on a carrément une page où est-ce qu'on parle de l'Apple TV, on parle de la garantie prolongée, on parle de la nécessité d'avoir un câble HDMI. Et éventuellement, en fait, il y a des rumeurs de plus en plus persistantes comme quoi il y aurait... Puis ça fait longtemps là, que ça circule. Un magasin, en fait, d'applications qu'on pourrait utiliser. Mais ce magasin-là irait avec une refonte du produit. Donc, est-ce qu'on serait prête à avoir deux types d'Apple TV? Peut-être celui qu'on a actuellement, qui est le truc de streaming, ou peut-être un produit qui ressemblerait un peu plus au Apple TV premier du nom, avec peut-être un peu plus d'espace dedans, et qui se situerait au niveau du prix entre un Mac Mini et un Apple TV. Peut-être quelque chose à 200, 300 $ qui rendrait vraiment la télévision intelligente. Parce que j'ai vu encore des rumeurs là, qu'il y aurait un TV tuner à l'intérieur là, que tu pourrais brancher ton câble dedans. Ça serait exactement vraiment sur ce genre d'appareil plus cher là, avec du stockage qui pourrait avoir installation d'application aussi qu'on parle. Oui, effectivement. Au lieu de se faire imposer seulement des canaux de vidéo comme c'est le cas maintenant, on pourrait avoir des applications, des jeux, nouvelles, météo. Mm. Puis ça permettrait en fait à tout le monde de dire « Moi, je veux proposer mon contenu sur le Apple TV » plutôt que d'avoir à signer des ententes avec Apple. Puis là, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe si ça chire? Comment ils l'enlèvent? Sont-ils obligés de rester là un temps? Mais si ça part, c'est comme ça. Si ça sort, ça va faire fureur, c'est clair. En fait, juste ce petit module-là, là, excusez. Juste ce petit module-là, TV Tuner et installation d'applications dans un Apple TV. Mm-hmm. Siri. Ouais. Tu te lèves le matin, tu parles à ta TV. L'intégration avec iCloud avec le calendrier, les courriels, les photos. Ça serait un petit ordinateur, mais comme la première génération d'Apple TV qui venait avec le disque dur, je pense que c'était 20. C'est combien la première génération? Il y avait des 40 gigs, 40 des 160 gigs. Oui. Okay. Mm-hmm. C'était des disques qui tournaient. Là. C'est ça, mais dans ce cas-là, le contenu devait être acheté du iTunes Store et stocké directement. Ou transféré dans l'ordinateur. Avec iTunes, mais ça va pogner. S'ils sortent ça comme ça, ça va pogner, c'est clair. Demain matin, on va faire la file. Moi, je fais la file. Là. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Je fais la file, puis je m'en vais l'acheter. Je vais acheter matin. Mon Apple en fait, TV, puis mon routeur Cisco. J'espère que vous en avez parlé aussi enthousiasmant que j'avais écrit la description. Parce que je ne l'avais pas vu. Uh-huh. Quand on l'a fait il y a deux semaines, quand je l'ai vu, je me suis dit, méchant routeur. Là. Ouais. Méchant routeur. Là. J'ai une précommande. Dès que je trouve la précommande, j'ai une précommande. Ouais. Ça coûtera le prix que ça coûtera. Il est 300$. 300$, oui. Ce qui est ridicule pour un routeur. La raison, c'est juste parce que tu peux changer le Apple AirPort est 200$, mais tu peux rien faire avec. C'est vrai. Tu sais, 100$ de plus, tu contrôles de A à Z, puis t'as... De B à Z, là, t'as pas accès au pilote de la carte sans fil dedans. Mais t'as accès à pas mal tout. Mais tu peux Je sais pas si on n'a pas accès. Avec OpenWRT, tu te rends pas à un niveau. Mais Cisco a dit qu'il supporterait le développement de l'application, De firmware pour. Ben c'est sûr que si t'as payé 300$ pour ton truc, ils vont t'aider à quoi. Mm-hmm. C'est clair. Mais c'est à cause d'eux autres, historiquement, qu'on est capable de flasher des routeurs. C'est ça, parce que ça a commencé avec Linksys, là, c'est le WRT 54G qui est le gros vendeur. C'est parce qu'ils ont fait une erreur, ils n'ont pas remis le code. Ouais. Ils ont utilisé du code source open source. Puis pour faire leur truc, on dit, tiens, on va mettre Linux là-dedans. Mm-hmm. Puis ils ont développé des trucs et ils l'ont pas remis. Fait qu'ils se sont fait menacer de poursuite. Puis ils ont eu deux choix, soit d'aller en poursuite puis de perdre, parce que c'est sûr qu'ils allaient perdre. Mais oui, c'est clair. Puis ou soit de releaser le code. Puis là, on a vu comment ils faisaient. Puis OpenWRT, Tomato, DWRT, mm-hmm. Toutes les autres qui se sont développés. Mais il y a un point qu'à 200$, le Extreme qu'on a, puis l'autre, tu payes 300, puis tu peux tout faire. Je m'excuse, mais si, mettons, il sort, puis mec, change ma version de MacBook, parce qu'il va falloir changer mon routeur, parce que c'est un N, c'est pas un AC, je vais acheter lui. Puis le design, le fait qu'il ait remis le devant bleu, le devant WRT 4G, c'est clair, ça vaut 300$ juste pour le design. Juste le bleu, c'est clair. À cause du format, du nouveau format Cockroach, là, pas très beau... un peu incurvé, noir. Le WRT 54G était comme ça, un peu. Il était plus épais, un peu, mais... Avec les deux antennes. Le design bleu, il aurait pu dire, OK, on va prendre le design du modem N qu'on a présentement. Mais non, c'est un clin d'œil, justement, aux hackers de remettre le design bleu qui est discontinué depuis comme au moins 10 ans. Là. Ouais. En tout cas, on a bien hâte de voir ça. Bon, on passe aux découvertes amateurs. Aux découvertes. De quoi ça? On a eu une découverte cette semaine. Il s'agit de l'application du jeu, plutôt Flappy Bird pour iOS. Bon, tu veux parler de ça? Attends une minute. Non, c'est pas des amateurs tout de suite. Tiens, par exemple, attends une minute. Oh. Mac Québec, le podcast. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec, le podcast. De retour en studio pour nos découvertes et applications. Tu nous parlais de Flappy Bird, vraiment? Flappy Bird, oui. OK. Flappy Bird, c'est une application d'un jeune développeur. C'est un jeu au look rétro. Ouais. On peut dire, là, c'est pixels et tout ça. Les tuyaux comme dans le jeu de Mario Bros. Ouais, clairement, là, mm-hmm. une copie conforme. Puis même le décor, là, ça ressemble à Mario Bros. Tout à fait. Et c'est un jeu, en fait, qui se joue avec le pouce. Okay? Ça peut pas être plus simple que ça. Mm. Tu tapes ton écran pour faire donner de l'altitude à ton oiseau. D'ailleurs, quand il commence, tu touches à ton écran, puis... Si vous n'êtes pas averti, la première chose que vous faites, c'est que vous laissez planter votre oiseau à terre. Puis là, tu fais comme « Ah! » Puis là, tu réappuies. Puis là, tu appuies un autre coup. Puis là, tu fais « OK! » C'est comme s'il sautait dans les airs. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu gardes l'oiseau dans les airs, mais il vole pas drette. Il vole par coup comme il pique, ça. Dès que tu enlèves ton pouce, il plante vers le sol. Exactement. Ligne droite vers le sol. Exactement. Donc, faut que tu le tiennes dans les airs à coup de mm-hmm. pouce sur l'écran, finalement. C'est ça. Puis le but, c'est de passer entre... Les tuyaux. Deux tuyaux là, qui laissent juste un petit espace. Ça fait penser un peu au jeu. Là. On avait un hélicoptère, puis il fallait qu'on évite là, les côtés de l'écran qui rapetissaient. Puis j'avais ça sur ma calculatrice graphique, là, à un moment donné, là, je me souviens. C'est vieux, cette application-là. Ouais. Uh-huh. Ça date de mars 2013. Oui, ça fait un bout qu'effectivement, c'est sorti. On a vu ça passer sur Facebook là, depuis une couple de semaines. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme un... En fait, l'application est devenue un mème. C'est super simple comme application. Mm-hmm. Elle a un look correct, mais un peu comme le chandail de loup avec trois lunes sur Amazon. Ouais. Les gens se sont mis à faire des espèces de review dithyrambique mm-hmm. de l'application, donner 5 étoiles, de dire que c'était malade, puis ça allait révolutionner, puis tout le kit. Et l'application s'est rapidement retrouvée au premier rang des applications ouais. gratuites. Elle est téléchargée 3 millions de fois par jour et puis elle est au premier rang dans 96 pays présentement. Tu sais, le jeune qui a fait ça, là, il est mort de rire. Il doit être capoté. J'aurais dû mettre de la pub dans ça. Est-ce qu'on peut acheter, enlever les pubs? Je pense que... Non. Le gars, il a fait... Fuck all. Il a même pas d'in-app purchase. Non. Et il y a deux autres applications qui sont un peu dans le même style, un petit personnage, tu sais, c'est niveau 1. Il a changé de graphique, là, c'est le même principe. Non, c'est pas le même principe, c'est d'autres principes. Là, il y a Catching Shuriken ou je sais pas quoi, puis il y en a un autre avec des chapeaux, en tout cas. Puis ces applications-là commencent aussi à monter, parce que les gens font la recherche selon le développeur. Fait que ces applications commencent à se retrouver aussi dans le top 100, disons, là, en quelque part. Fait que c'est très, très drôle. C'est très difficile aussi comme jeu. C'est vraiment tough. Vraiment difficile. Qu'on trouve une stratégie à un moment donné, là, mais moi, présentement, mon joué score, 5 c'est 3, là, j'ai joué 5 minutes, j'ai effacé l'application. C'est frustrant. C'est très frustrant, mais j'ai pas de patience pour ça. Moi, j'ai découvert ça, il était comme minuit et demi, je venais me coucher. Puis moi, je vois Flappy Bird, donc, moi, je vais essayer ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est très frustrant. Tu te mets à jouer à ça, puis c'est tellement frustrant que tu as comme pris le bar, mon idée d'aller me coucher, là, j'ai essayé, puis j'ai jamais réussi, finalement. Mais, en tout cas, essayez-le, encouragez le développeur, et puis... Sinon, une autre découverte, en fait, y a beaucoup de gens qui, plutôt que de mettre un Apple TV, ou en plus de l'Apple TV, vont mettre en dessous de leur télévision un Mac Mini. Mm-hmm. Et Mac G anciennement Mac Génération, a fait une série qui s'appelle Un Mac Mini sous la télé. Donc, c'est le cinquième article qui est sorti le 3 février. C'est puissant, ça. Et de quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Mettre un Mac Mini en dessous d'une TV, là. Oui, oui, oui, c'est cool. Très mais, puissant. Mais un truc que je savais absolument pas. OK. Habituellement, quand on va mettre un Mac Mini en dessous de la télé, tu vas avoir comme une souris puis un clavier pas loin. Ouais. Le clavier, c'est pas si pire pour opérer ton ordinateur puis faire les différents trucs. Le problème, c'est que si t'as pas une table, une table d'appoint au milieu de ton salon, ta souris, tu vas brailler ta mère. Et eux expliquent qu'il y a un moyen d'utiliser la télécommande de la télévision pour opérer ton Mac Mini. Donc, en fait, c'est une norme qui s'appelle le HDMI CEC qui te permet, en fait, de rajouter une espèce de dongle qui coûte une quarantaine d'euros. Ça doit être une soixantaine de dollars. Et c'est un truc que tu mets... En fait, c'est une boîte que tu mets entre ton fil HDMI et le Apple TV et la télévision. OK. Le Mac Mini et la télé, oui. Exactement. Mm-hmm. Et en fait, après ça, il y a un logiciel à installer et ça te permet de contrôler avec la télécommande l'ordinateur directement. Donc, tu peux installer un logiciel. Il y a un bouton sur la télécommande qui va lancer, par exemple, XBMC ou Plex, tout ça. Donc, dans l'article, il explique exactement comment faire, qu'est-ce qu'il faut acheter, tout ça. La petite boîte, on peut... je vais vous la montrer, en fait. Je vais afficher ça ici, puis on va envoyer tout ça sur le Apple TV. Et voilà. Hey, c'est ma manette de TV de salon. Donc, on nous montre évidemment une télécommande puis un Apple TV. Mais c'est cette petite boîte-là ici, en fait, qu'on peut acheter. Celui qu'ils ont essayé, c'est celui de la compagnie anglaise Pulse 8, qu'on voit ici, qui est 40 euros, bon, tout ça. Et on nous explique la partie matérielle, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne, si votre télé est compatible avec cette technologie-là, ou en fait votre télécommande, on nous donne le nom de la technologie chez les différents fabricants. Donc, chez LG, c'est Simple Link. Chez Panasonic, c'est Viera Link. Chez Sharp, c'est AquaSlink. Bien, cette norme-là, ouais. HDMI CEC, qui ouais. fait partie de la norme HDMI depuis 2005, c'est la norme 1.2, mm-hmm. ben, chez les différentes compagnies, on ne t'explique pas trop qu'est-ce que c'est. Mais chez chacune des compagnies, tu sais, tu as ça de long, là, de « elle a fait telle affaire, ouais. est compatible avec DLNA, est compatible avec… » Puis c'est ça. Fait que si tu achètes une LG et qu'elle est compatible Simple Link, ça veut dire que ta télécommande peut contrôler ton ordinateur si tu suis cette procédure-là. Okay. Fait que je trouvais ça pas mal intéressant. Ben, oui, ma télécommande doit fonctionner parce que c'est cette télécommande-là que j'ai chez nous. Fait que... Et voilà. Si, c'est sûr, tiens. Excellent. Donc, vous irez voir sur Mac G. Il vous explique, en fait, et je vous recommande, en fait, cet ensemble d'articles-là. Ils en sont rendus à la cinquième version. Il n'y a pas encore de système ultime pour... j'ai vu un article il n'y a pas grand temps, là. Si vous voulez monter un ordinateur comme parfait pour mettre sa TV, le gars, c'est selon ses besoins, mais il y a du monde qui vont monter un ordinateur comme ça sous Linux parce qu'il y a des bons logiciels là-dessus. Il y a du monde qui vont le faire sur Windows. Il y a du monde qui le font sur Mac, mais il n'y a pas encore quelque chose de parfait de ce côté-là. Donc, ça vaut la peine d'explorer les différentes solutions. Un clavier puis un souris, de toute façon. Exactement. Sinon, est-ce que vous aviez d'autres découvertes que vous avez faites cette semaine? Oui, Desjardins rendus compatibles iPad. Il y a quelque chose d'autre de cool dans l'application Desjardins? C'est pas que toutes les 860 banques canadiennes avant avaient une application iPad. Là, mais... Effectivement. Bientôt, j'ai entendu dire qu'elle allait être possible d'aller faire un retrait dans une succursale Desjardins qui n'est pas la nôtre sans donner une échantillon d'ADN au comptoir. Il y a le clavier SwiftKey qu'on a sur qui existe sur les Android a sorti une application cette semaine okay. qui s'appelle SwiftKey Note okay. Qui reprend en fait le concept, c'est-à-dire que tu commences à taper quelques mots et tu commences à taper en fait quelques lettres et tu as une suggestion de mots en haut qui apparaissent. Comme le clavier de BlackBerry. Oui, ben, un peu comme le clavier de BlackBerry ou le clavier SwiftKey que tu as. Ouais. Je pense que aussi tu peux passer d'une lettre à l'autre en glissant. Ah. Fait que c'est voilà, c'est sorti. Et j'ai une autre application que j'ai téléchargée. J'arrive pas à voir le nom au complet. Check dans tes achats. Tes dernières achats. Une bonne idée. C'est de la compagnie Savia Apps. Et ça s'appelle Friend... attends, c'est quoi? C'est pas Find My Friend, mais c'est pour suivre sur les médias. Pas une affaire de dating, là? Non, attends, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a une application qui est sortie qui s'appelle Find My Kids. Okay. Et au lieu de Find My Friend, en fait, il y a des fonctions un petit peu plus intéressantes. Tu peux géofencer où ton kid est supposé être et ça t'envoie un beacon, ça t'envoie une notification s'il sort de là. Fait que tu lui donnes le téléphone, tu le programmes sur Find My Kid, puis s'il s'éloigne de l'école, tu peux faire « Hey, tu retournes-tu dans tes cours, là? » On fucks pas, là. On fait pas ça ici. Ben, tu peux savoir de toute façon Find My Friend, Find My Phone, là. Oui, mais t'es ouais, pas mais averti. Pas. Ah oui, tu pourrais le faire ouais, aussi. Non, c'est dans... Oui, tu connectes tout le temps sur le site, sur ton iCloud, il va se mettre tout le temps à jour. Oui, mais là, c'est vraiment, tu y donnes un périmètre, tu sors de là. C'est super pour les bébés, là, tu leur attaches un iPhone. Ouais. L'enfant va revenir à la maison le soir, puis mon iPhone, il n'y avait plus de batterie, un courant à 10 heures le matin, là, justement à cause de l'affaire d'iCloud. Ouais. Tu y mets une couple de batterie dans les poches, puis tu dis que t'es mieux de toujours avoir un iPad rempli. Sinon, c'est le moment. Tant attendu, on devient des hommes et c'est les amateurs de Mac. Bonsoir. Mac Québec, le podcast. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir, les gars. Bonsoir. Ah, c'est ça. Hey boy, bonsoir! Voilà, donc, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, où vous nous proposez vos questions et nous avons des réponses. On rappelle, en fait, que vous pouvez communiquer avec nous directement en studio au 1-877-561-2357. Voilà. Et on n'a rien à donner cette semaine. Jonathan Moreau est en congé. Donc, il ne nous a pas trouvé d'application, mais on a quand même eu des questions via Mac Québec Entraide. Donc, on va répondre à ça. Je te laisse la première, Jean-Michel. On ne les a pas eues dans les deux dernières semaines. La dernière date de 21 jours. OK. Est-il possible de créer des sous-dossiers dans l'application Pages sur iPad? Non. Moi, on y a déjà répondu. On a déjà répondu. J'ai pas écouté l'émission la semaine passée, donc... on va aller voir l'autre à date de quand. Sinon, 8 jours, ça là vous l'avez pas répondu. Excellent. C'est un petit texte. Donc, je vais lire le petit texte. Bonjour, je suis dans un RV park en Floride et nous sommes tous connectés par Wi-Fi. Toi qui es un Floridien, qu'est-ce qu'un RV park? C'est un camping. Merci. Un camping. Une journée, j'ai un signe rouge négatif et lorsque je voulais ouvrir un dossier, le message disait que je n'étais pas autorisé à ouvrir mes propres dossiers. Dans la fenêtre du Finder, j'ai trouvé la section « Partage », l'icône de ordi de Jim Brown et aussi une imprimante Wi-Fi qui n'est pas la mienne. J'ai trouvé M. Brown à quelques centaines de pieds de moi et celui-ci m'a dit que c'était normal de retrouver d'autres noms dans « Partage », mais je ne comprends pas pourquoi mes dossiers n'étaient pas accessibles sur mon propre ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi son ordi embarque dans le mien quand je n'ai rien de coché dans Partage. J'ai finalement trouvé dans Lire les informations le cadenas et je pouvais remettre mon nom comme utilisateur de mon Mac et les signes négatifs s'enlevaient. Je ne comprends pas pourquoi je n'étais pas enregistré comme utilisateur de mon ordi et lorsque je remettais mon nom comme utilisateur, le signe négatif partait. J'ai enlevé quelques signes négatifs dans mes dossiers. Le lendemain, tout était revenu à la normale. Peux-tu entrer dans mon ordi, enlever mon nom et mettre le sien? Si on s'en tient seulement à la question finale, peut-il entrer dans mon ordi, enlever mon nom et mettre le sien? Non. À partir de son ordinateur, il n'a pas accès aux paramètres de votre ordinateur. C'est tout à fait normal qu'il voit Jim Brown MacBook Pro dans la section partage. Votre Mac va détecter automatiquement toutes les Macs qui ont la fonction partage activée. Exactement. Le vôtre n'est pas activé. Jim Brown ne le verra pas sur son Mac ou les autres utilisateurs ne le verront pas, mais vous allez voir Jim Brown parce que partage est activé dans ses préférences. Exactement. Et cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle bonjour. Ouais. Donc, Apple utilise cette fonctionnalité-là et dès que vous utilisez les mêmes DNS, donc dès que vous êtes connecté donc sur le même routeur, il y a certains routeurs qui ont une fonctionnalité d'isoler les utilisateurs. Donc, quand tu coches ça, ce que ça fait, c'est que... Disney Cruise Line a cette fonctionnalité-là et puis, si on ne peut pas spoofer les adresses Mac, on est obligé de payer pour se connecter à Internet. Ça juste de même. Est-ce que ça t'a coûté cher aller aux États-Unis pour avoir Internet? En croisière, ça coûte 75 cents la minute, l'Internet. Et calbasse. Ça barouette. Donc, puis c'est lent, c'est d'une lenteur infernale. Ça prend environ 3 minutes à afficher la page de Gmail. OK. Donc, t'as intérêt à déjà être connecté quand tu t'affiches, quand tu tapes Gmail. T'as intérêt à avoir ton login de sauvegarder parce que sinon, c'est 3 minutes pour charger la page du login puis 3 minutes pour charger la page de tes emails. Oh, OK. Donc, ça te coûte cher, voir tes emails. Tu penses que ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté, ben, j'y allais rapidement, là, j'allais voir mes emails. Là, ça m'a coûté peut-être 6 piastres d'Internet, à peu près. Tabarouette. Au total, mais c'était rapide, c'était organisé. Je me connectais sur Internet, le tab de Gmail était déjà ouvert. Là. OK, OK. Bon. Mais donc, si vous me suivez sur Twitter, j'ai remercié les habitants de Saint-Martin qui, avec leur grand cœur, ne savent pas sécuriser leur réseau Wi-Fi. Ben oui, j'ai pu ça passer. On se promène sur la rue principale, parce que tous les magasins, puis il y a les magasins au premier étage, puis il y a des appartements au deuxième étage, puis c'est plein de réseaux Wi-Fi non sécurisés. Nice. Alors, au nom de milliers de touristes qui passent chez vous à tous les jours, merci. C'est bon, il y a des gens qui nous écoutent à Saint-Martin, c'est sûr. Donc, le problème de monsieur, pas Jim Brown, je pensais que c'était Jim Brown, mais le problème du monsieur qui nous pose la question, qui est Robert Dionne, c'est deux problèmes séparés. Dans un premier temps, il est connecté à un réseau sans fil, public, et c'est normal qu'on voit certains appareils qui sont partagés sur le réseau. Un routeur, la fonction première d'un routeur, c'est de partager les ressources. Donc, quand on a un serveur DHCP, on peut avoir théoriquement 254 bebelles connecté dessus. Tu charries pas un peu, là? Non, tu peux avoir... Ben, t'as 254 adresses IP. Dans un aéroport, là, c'est spectaculaire, le nombre d'ordinateurs qui apparaissent dans le partage, là, quand c'est occupé. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Donc, vu que le point d'accès est public, c'est normal qu'il apparaisse là. Maintenant, pour ce qui est de son autre problématique, ça me semble plus nébuleux, en fait. Donc, c'est sûr que le système OS X fonctionne par utilisateur, par création d'utilisateur. Quand tu ouvres ton ordinateur la première fois, on te demande qui es-tu. On te demande ton nom, ça fait un short name. En dessous de ça, on te demande ton mot de passe. Et habituellement, ce compte-là est inévitablement celui de l'administrateur. Maintenant, un ordinateur peut être dans une maison utilisée par plusieurs personnes. Donc, on peut créer un deuxième compte administrateur pour sa femme, un compte standard non administrateur pour sa fille la plus vieille. Puis la petite dernière, en fait, on y crée un compte standard, contrôle parental, où on lui donne un nombre minimum de sites web où elle peut aller, mais c'est un espèce d'environnement sandbox protégé. Et c'est sûr que si on passe d'un compte à l'autre, ben votre femme n'a pas accès à vos données, même si vous allez dans le chemin là, user et que vous voyez votre dossier, c'est sûr qu'il n'est pas disponible. On a un petit logo rouge dessus avec un moins. Si vous êtes logué sur votre propre session et que là, dans certains dossiers de la petite maison, donc de votre dossier user, on a des ronds rouges comme ça, là, il commence à avoir un problème. Ça veut dire que les permissions sur ce dossier-là sont messed up, sont fuckées. Puis là, il va falloir utiliser des outils pour aller les changer. Soit lire les informations, si on peut aller jouer dedans, soit carrément des outils professionnels comme BatchMod, qui est gratuit sur Internet et qui va faire un reset de ces trucs-là. Il y a possibilité aussi d'utiliser la fonction Reset Password pour enlever, resetter les permissions sur le compte utilisateur. Donc ça, on le fait en redémarrant sur la partition de recouvrement. On s'en va ouvrir les outils. Dans Terminal, on marque Reset Password, comme dans tout bon film de hackers des années 90. Et là, on a un panneau qui va s'ouvrir et qui va nous permettre, dans le bas, d'aller resetter les permissions du dossier utilisateur. Donc ça, ça pourrait régler votre problème. Mais si vous êtes logué avec un autre compte, c'est normal là, que vous n'ayez pas accès à ces informations-là. Donc, merci pour votre question, M. Dionne, et on espère vous avoir aidé. Sinon, une autre question? On a une question qui nous provient de Jean-Claude Lemieux sur Macabec en train encore. Bonsoir. Depuis ce week-end, je doute ma mémoire sur iMac 2.16 GHz, Intel Core 2 Duo, 4 GB, 666 MHz, DDR2 SDRAM, OS X Lyon 10.7.5. C'est pas nécessairement une tente de jeunesse. Je trouve qu'il y a une utilisation Core avec 4 GB. Juste en vous écrivant ici, je drop à 832 MB et je ne trouve pas cela normal. J'ai remarqué aussi que Safari tire beaucoup de jus, 130 MB de mémoire à côté de Chrome, 90 MB de mémoire. Non, c'est pas vrai. C'est avant de faire un freeing memory, je suis à 748 MB free et là à 1.11 GB. Qu'en pensez-vous? Ben, que son système d'exploitation prenne 3 GB, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas aussi ce qui est ouvert là, à part de ça. Puis dans Chrome, chaque onglet prend la même quantité de mémoire. Donc, si j'ai à peu près 92 onglets d'ouvert... Et ça va prendre 92 fois la mémoire qu'un onglet prend. Puis là, si j'ai du flash dans les onglets puis toutes ces affaires-là en plus, tout continue à rouler même si je regarde pas l'onglet. Là. C'est le même problème dans Safari. Chaque onglet, c'est un navigateur séparé. Ouais. Finalement, c'est juste qu'ils sont regroupés dans la même fenêtre. Sous le truc Safari. Alors que Chrome, on a Chrome, mais on a un deuxième process. Si je ne me trompe pas... Dans Safari Chrome, aussi, tu as le WebKit. Oui, c'est vrai. Tu as le WebKit dans Safari. Dans Chrome, tu as le WebKit de Google, mais dans Safari aussi. Ouais. Mais si, mettons, vous avez 4-5 onglets ouverts tout le temps, c'est clair qu'il va bouffer de la mémoire. C'est normal. Mm-hmm. C'est comme là, j'ai 4 onglets ouverts, ma jauge de mémoire vive est full. Mais sauf qu'elle est full, oui, mais elle est inactive. Oui. C'est ça. Elle est libre quand même, mais sauf qu'elle est inactive, mais elle est là. Mais sauf que moi, ce que je comprends pas, ce qu'il dit, c'est que Safari, il gobe 130 MB à comparer de Chrome de 90. C'est supposé être le contraire. Chrome prend toujours plus de ressources. Peut-être que les anciennes... Dans ce cas-ci, il y a plus d'onglets ouverts dans Safari. Exactement. C'est normal. Avec OS X Lyon, c'est-tu la dernière version de Safari compatible avec ça? C'est 6.1. Dans Lyon. C'est pas la dernière. C'est peut-être moins optimisé, donc c'est peut-être normal. Mais si on compare la dernière version de Safari avec la dernière version de Chrome, c'est Chrome qui va prendre plus de... C'est clair. Si vous faites afficher la page Google dans les deux navigateurs, c'est Chrome qui va prendre le plus de mémoire. De toute façon, c'est un ordinateur, c'est un iMac de 2006-2007. C'est un iMac blanc. C'est un iMac de 2006-2007 qui est au maximum de sa mémoire et qui commence à être à la fin de sa vie. Là. C'est-à-dire qu'on l'étire, mais 4 gigs de mémoire, ça va être le maximum que vous pouvez mettre dedans. Et c'est correct pour le système d'exploitation que vous avez actuellement, mais essayez pas de le mettre à jour à Mavericks. Vous allez tuer votre ordinateur. Il voudra pas. Ça va... Oui, c'est vrai, hein? Ça voudra juste pas. Apple va te le dire quand tu vas peser dessus. C'est vrai, les iMac qu'on a regardé cette semaine, c'était 2008. Un autre commentaire là, de la même personne qui dit qu'il remarque que son iMac freeze fréquemment depuis peu de temps. Donc, c'est peut-être signe de d'autres choses là, aussi. Ouais. Le iMac est vieux. Là. Exactement. C'est peut-être pas juste la mémoire, le problème. Ça peut être le disque dur. Ça peut être la barrette de la mémoire. Dépendamment d'où ça vient. Donc, comme je dis, en fait, c'est un ordi de 2007. On est en 2014, cet ordi-là a 7 ans. Ce qui est un monde là, en informatique. Ouais, ouais. Voilà. C'est beaucoup. Là. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses? On avait-tu un dernier article? Non, les autres datent d'il y a plus que deux semaines. Mm-hmm. Que vous avez probablement déjà répondu. Excellent. J'en ai un. Par courriel. Oui, on a reçu des trucs dernièrement. De Cédric Lampron. OK. On va y aller vite. Il dit, bonjour, j'ai une question à plusieurs volets. J'ai présentement un MacBook Pro 13 pouces début 2011 et je le trouve un peu lent. J'aurais aimé rajouter de la mémoire. Je me demandais si c'était possible et relativement facile de faire l'opération moi-même. Oui. Oui, premièrement, oui. La deuxième, c'est je fais aussi la radio à la radio. Je fais aussi la radio à la radio, merci beaucoup. Et j'aimerais faire des reportages à distance. J'utilise présentement un micro Snow Globe. J'aurais aimé savoir quel logiciel pouvez-vous me proposer pour faire de la capture audio et du montage par la suite. Merci. Mais premièrement, changer la mémoire d'un MacBook Pro début 2011, c'est super facile. T'enlèves les quatre vis, le dessous, puis la mémoire est là. Même pas besoin de tasser des composantes, la mémoire est là sur le dessus, juste en haut de la batterie. Vous voyez, est à côté. Ben, premièrement, il faut juste débrancher la batterie. Moi, j'ai tout le temps débranché ma batterie en faisant certaines choses en dessous. Fait que vous checkez la batterie, une petite jauge. Des précautions. Vous tirez dessus, puis la batterie va se défaire. Ben, la batterie, connecteur. Le connecteur. Il y aura plus de courant dans l'ordinateur. Puis après, vous enlevez votre mémoire, puis vous mettez de la mémoire que vous voulez, comme là, il y avait. Début 2011, ça doit être 4 gigs de base. 8, ça doit être 8 le maximum. 8 ou 6, ça dépend. Allez voir sur canadaram.com. Et puis, Mac Tracker. Ou Mac Tracker, MacSales.com, Mac Otherworld Computing. Oui, Otherworld Computing, Probablement le moins cher que vous avez trouvé là, pour la mémoire. Pour la deuxième question, c'est il y a des logiciels. Pour faire de la capture audio et du montage par la suite, de la capture audio. La capture audio, ça se fait. Il y a des logiciels. Ça va du trait de base au trait professionnel. Dans votre iPhone. Ouais, c'est ça. Mais il veut avec le micro Snow Globe, j'imagine. Ouais, Snow Globe, c'est en USB, ça? Probablement. Ça se fait. Ben, en fait, lui, il veut un logiciel pour de la capture de son. Donc, il y aurait GarageBand dans un premier temps. Oui, qui est dans l'ordinateur. Il y aurait Audacity. Si on va aller dans quelque chose de plus. Logic Pro, éventuellement. Dans quelque chose de plus pro, il y a Logic Pro, puis il y a Audition de Adobe. Donc, qui peuvent être intéressants, mais ça dépend quel type de capture de son vous voulez faire. Si c'est du montage de base, il fait de la radio. GarageBand va aller, mais si vous voulez manipuler un peu plus gratuitement, il y a Audacity qui est gratuit. Qui est gratuit, puis qui offre quand même des bons plugins. Parce que là, on s'entend que Logic Pro, c'est 200, je pense. On est ça en feu? Je pense pas. Ça sent pas, les alarmes n'ont pas parti. Fait que, on doit évacuer, non? Non, mais c'est ça. Mais, Logic Pro, il est 200. Puis Audition est un petit peu plus cher, par exemple. Ouais, ben, il est inclus dans l'abonnement Creative Cloud. Oui, Creative Cloud. Mais Audition est très bon pour faire des vinyles. Ouais. Et monsieur, faire des vinyles, là, tu veux numériser tes vinyles, là, pas Audition, c'est clair. Prends aucun autre logiciel, ça que j'utilise à la maison pour faire les vinyles à Jason, là. Puis, si vous êtes étudiant, c'est 19,99, je pense. Sinon, c'est 50$ Creative Cloud, ou 50. On va faire la même. Mais c'est ça. Sinon, quelque chose de base, là. Des petits logiciels de base qui viennent avec vos Mac. Là. J'espère que ça répond à la question. Peut-être, si envoyez plus de détails par courriel, on va recommuniquer avec vous. Excellent. Oui. On vous rappelle qu'on répond comme ça à vos questions pendant le show et que vous pouvez venir nous les poser. C'est pas qu'on veut pas vous répondre, là, parce qu'on ne réécrit pas par courriel. On aime mieux le dire dans les podcasts. Et après, moi, je vous réécris par courriel qu'on a répondu à votre question dans le podcast, parce que c'est pas qu'on vous a oublié, là, c'est juste que... Est-ce qu'on l'envoie encore sur YouTube, puis on met dans Mac Québec Entraide, on met les segments audio? On a fait ça une semaine, okay. Je pense. Bon. On pourrait recommencer, mais c'est, bon. Ouais, c'est ça. Excellent. Ça fait-tu pas mal le tour? Il y a 9h53. Mm-hmm. Ouais, ça fait le tour. Ça fait le tour. On se revoit dans 2 semaines. Ah. Donc, le 18 février. Il y a iOS 7.1 Beta 5 qui est sorti aujourd'hui. Oui, Je soupçonne qu'il va sûrement sortir à la fin du mois, au début mars. Là, fait que, parce que il n'y a rien dedans. Il y a une correction d'un bouton que ça a l'air que quand tu glissais ton doigt sur pour faire des verrouillés. Là, français, c'est ça. Ça a l'air qu'il sortait de l'écran. Là, ça a corrigé ça. Ça a corrigé toutes les failles d'évasion. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Jailbreak. Mais on... Bon, en tout cas. Puis, fait que d'après moi, il va sortir d'ici une semaine ou deux. Fin du mois. Moi, j'étais avec la version 10.9.2. Ouais, qui est de l'OS. Ça fonctionne bien. J'ai J'ai plus de gros bugs. Mail semble fonctionner bien. Par contre, il y a des gens qui ont encore, avec 10.9.1, ils ont encore des problèmes dans Mail. Puis Apple a publié une note comme bizarre pour remédier aux problèmes en attendant. Déconnecter donc, les comptes. C'est ça. En fait, si tu fermes Mail et que tu le rouvres, ben ça redemande au compte de synchroniser. Ouais. Fait que là, c'est beau. Mais la solution de Apple, c'est d'aller dans Mailbox, choisir l'option mettre tous les comptes offline, puis après ça, retourner, puis faire get new mail ou remettre les comptes online. Puis à ce moment-là, ça réglerait le problème. Puis ils disent même, ben, si tu vas dans View, puis tu fais Customize Toolbar, tu peux rajouter ces deux boutons-là pour mettre offline puis récupérer. C'est assez de base, c'est niaiseux. C'est vraiment con ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils pourraient l'envoyer tout de suite. Tu sais, ils pourraient faire une mise à jour juste de mail dans, 10.9.1 que la version qu'on a dans 10.9.2. Envoyez-la à tout le monde, puis vous corrigerez les ce qui manque dans le 10.9.2. Ouais. Tu sais, puis le monde va arrêter de chialer. Je sais pas pourquoi que... OK, ça s'est jamais fait, une mise à jour juste de merde? Oui, ça s'est fait 10.9.0. Il y a eu une semaine après la sortie de Mavericks, il y avait juste merde. Ah ouais? Okay. Oui, parce que le problème était trop gros. OK. Fait qu'ils l'ont réglé un peu. OK. Il y a aussi Google Maps qui a eu une mise à jour cette semaine. Ouais, je ne l'ai pas essayé. Et qui fait, moi non plus, mais je me promets de le faire. En fait, une des fonctionnalités vraiment intéressantes, c'est qu'il va être en mesure de refaire ta route si, par exemple, il arrive un gros problème devant toi. Comme demain, il y a une grosse tempête de neige. Ah ouais? Non, en fait, c'est pas vrai. Il y a une tempête de neige. Non, ça a sorti aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Ouais, il y avait une fonctionnalité similaire. Ouais. Donc, il y a une tempête de neige demain, fait que le monde va devenir fou, puis tout le monde va se tuer sur la route. Ben oui, c'est clair. Parce que c'est l'hiver, puis que le monde... Ça va plus chauffer. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, quand il va avoir un gros crash en avant de toi, ben il va te dire, sors à la prochaine sortie, puis contourne-le par telle rue, puis telle rue. Ce service-là n'est pas disponible à Montréal, ou est très peu fiable à Montréal. Ah oui? Ouais. OK. Dans les villes américaines, il y a... entretenu par le département des transports de chacun des États. La majorité des États ont des systèmes en temps réel qui sont beaucoup plus fiables que ce qu'il y a ici à Montréal. Ici que le MTQ à Montréal, c'est basé sur des caméras seulement, mais tandis que comme à New York, par exemple, il y a des capteurs dans la chaussée, puis il y a des systèmes de rapports d'événements centralisés. Comme tous les accidents sont consignés là-dedans, puis c'est accessible au public par les développeurs de logiciels, justement. Donc, c'est pour ça que les GPS TomTom, les GPS Garmin, Google aussi, aux États-Unis, sont plus fiables pour ces événements-là. Tandis qu'ici, nous, à Montréal, on va seulement avoir un aperçu global avec Québec. Du trafic, ça va être comme, c'est ça, on va avoir comme, OK, code rouge, code jaune, mais on n'aura pas exactement le délai en minutes. Là. Excellent. Ça commence à venir, mais vraiment... Excellent. Une autre chose dont on a oublié de parler, mais la raison est assez simple, en fait, et on a discuté cette semaine si on allait faire un article là-dessus. Il y a une nouvelle application que Facebook a sortie qui s'appelle Facebook Page. En fait, il y a certains trucs qui ont sorti sur Internet, comment aller chercher l'application. Nous, on a décidé, il disait qu'il faut que tu te déconnectes. En fait, tu vas changer le pays dans ton compte App Store à partir du téléphone. Le problème, c'est que si iTunes Match est activé sur ton compte, ça ne marche pas. Tu ne peux pas changer de pays facilement. Non. Mais cette application-là, en fait, les reviews qui en sont sortis, c'est l'application que Facebook a sortie qui serait la meilleure. Donc, c'est une espèce de flipboard qui permet d'aller chercher qui fait de la curation de nouvelles qui vous intéressent parce qu'ils savent qui vous êtes mieux que vous-même. Ben oui, c'est clair. Et à ce moment-là, ils sont capables de vous donner ces nouvelles-là. Puis le but, c'est de repropulser ces nouvelles-là, évidemment, sur leur réseau Facebook. Mais elles seraient très belles, elles seraient très intéressantes à utiliser avec un paquet de petits gizmos visuels. Mais les gens qui l'ont essayé, en fait, en sont très contents. C'est ça l'affaire, c'est un peu plate, t'es juste aux États-Unis pour l'instant. Exact. Et le développeur a dit qu'il voulait pas l'acheter ailleurs pour l'instant. Ah oui? Ouais, j'ai vu ça, là. Le développeur a dit qu'il voulait pas l'envoyer dans les autres pays en attendant. C'est plate. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est quoi le problème, là? Facebook est capable de gérer ses données avec ses Blu-ray, là, tu sais? Vu qu'ils ont pas de data center, qu'ils fonctionnent sur Blu-ray. pour sauver de l'argent, comme s'il n'avait pas assez. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas, quand j'ai vu ça, je voyais en long. Il gère son fait data un système de 50 terabytes super accessible ou je sais pas ben quoi. Ben oui, en Blu-ray. Ben oui. Ben oui. C'est ce qui coûte le moins cher. Je sais que c'est ce qui coûte le moins cher, mais c'est très fragile aussi, on s'entend. Oui, mais c'est pour des trucs, c'est pour des vieilles photos que le monde n'utilise jamais ou tu sais, des trucs qui doivent être en archivage. Exactement. Voilà, ça fait pas mal le tour. Et donc, on revient, comme je le disais, dans deux semaines, le 18 février. Est-ce que tu seras avec nous, tu penses? Ou... Possiblement, si je ne travaille pas. Excellent. Il y a Jason qui ne pouvait pas être avec nous. Il voulait être avec nous ce soir. Pas Jason Denon. Non, ouais, je sais bien. Là, je ne verrais pas mon chum site, moi. Fait que... Donc, Ouvrais le temps long en temps. Entendre parler de Mac alors qu'il est très PC. Messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets de ce temps-ci? Moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. Excellent. Vous pouvez me retrouver sur Twitter au JM souligné Boily, où vous pouvez suivre ma saga avec JetBlue il y a 3 jours. J'essaie de me négocier des sièges avec plus d'espace pour les jambes gratuitement, mais qui n'a pas fonctionné finalement. JetBlue, la compagnie aérienne. Oui, OK, oui, excuse-moi. Pour ma part, vous pouvez me trouver sur Twitter, mais je suis pas là beaucoup. Non, hein? Ces temps-ci, on travaille beaucoup chez ClickPom, puis les clients sont contents, fait que je fais plein d'installations. Ah. Et je devrais faire une installation d'un nouveau Mac Pro relativement bientôt, dans les prochaines semaines. Intéressant. Fait que je vais revenir... Hein? Photo? Ben oui, c'est sûr. On va prendre ça en note, mais j'ai très hâte de voir la bête, sa grosseur et tout ça. Donc, voilà. Sinon, on vous dit salut. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, à dans 2 semaines. Bye. Bye. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de MacQuébec. MacQuébec.com.